Bonjour à tous et bienvenue pour ce quatrième épisode de Wotaku. Comme d'habitude, avec moi il y a Brock. Bonjour Brock. Salut Ludo. Alors par contre, ce mois-ci, nous ne serons pas avec JP. D'ailleurs, je sais pas trop pourquoi. Brock, t'as eu des news? Bien sûr, moi je suis le confident de JP. En fait, il m'a expliqué la situation. Ses parents lui ont promis un joli scooter s'il avait son brevet. Et donc, il est en pleine révision pour pouvoir faire des roues arrière sur le parking de l'Intermarché avec ses potes. Voilà. Bon ben bonne chance JP pour le brevet et pour le scooter alors. Pour remplacer JP, puisque Ludo je t'aime beaucoup mais je ne me voyais pas faire l'émission au chandail avec toi, donc j'ai invité une amie à nous rejoindre pour ce quatrième épisode. C'est Amchan, je vous avais parlé d'elle dans la partie Pierre de Foyer des premières émissions. Elle a un BD blog que je vous ai invité à suivre et qui a beaucoup bougé depuis. Donc bienvenue Amchan, Ludo je te présente Amchan, Amchan je te présente Ludo. Bonjour Amchan. Bonjour Ludo. Bon. Monsieur Lapise, ça va? Ah, c'est 4 à Paris. Amchan, peut-être que tu peux te présenter pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore. D'accord. Alors moi, c'est Amchan, mais c'est plutôt mon pseudo pour le dessin. Vous pouvez plutôt m'appeler Amandine pour le podcast. Moi, ce qui m'intéresse dans le jeu, c'est juste jouer avec des gens que j'aime bien. En fait, l'équipement, ça m'intéresse pas particulièrement. Devenir riche, faire de vos fesses, c'est pas mon truc. Je préfère jouer avec des gens que j'apprécie. Eh bien, bienvenue dans l'émission Amchan. Alors au sommaire de ce quatrième épisode, nous allons commencer par Amandine, honneur aux filles, donc là elle nous parlera des paladins. Le raid, ce sera moi qui m'en chargerai et on parlera donc des dragons du cauchemar. Ensuite je vous ai préparé une petite surprise, un petit quiz avec un invité spécial, vous découvrirez ça tout à l'heure. Bon ensuite on enchaînera encore avec toi Brock sur l'histoire du mois, donc là c'est le fort gros manche, c'est ça? Le fort gros mâche. Et je parlerai donc de Orgrimmar et plus particulièrement du Fort Gromage, donc le centre administratif d'Orgrimmar. D'accord, ok. Donc ensuite, ce sera un petit tour d'horizon des podcasts francophones sur World of Warcraft. La partie Pierre de Foyer, donc là, on va vous présenter les différentes créations de notre communauté. Ensuite, ce sera les add-ons. Et pour terminer, on parlera de nos coups de cœur jeux vidéo du mois. Donc tout de suite, on se lance dans la classe du mois. Suivez-moi, je connais un passage. Donc Amandine, tu vas nous parler du paladin, c'est ça? Exactement. Bon. La classe préférée de Brock, comme tout le monde le sait. Alors j'ai demandé aux gens d'être indulgents, parce que d'abord c'est ma première chronique, et ensuite parce que c'est la première chronique sur une classe hybride, et que je vais avoir beaucoup plus de choses à dire, je pense, que mes collègues, étant donné que le paladin, déjà, peut se spécialiser de trois manières totalement différentes, qui lui donnent des rôles complètement différents dans les groupes. Alors le paladin, c'est on va dire un combattant de corps à corps. C'est pas toujours un combattant, mais dans sa version DPS, c'est du corps à corps. Il a très peu de sorts qui portent à plus de 10 mètres. Avant, le paladin, c'était une classe assez monotouche. Non, mais c'est vrai. Avant, tu pouvais jouer correctement ton paladin en appuyant uniquement sur les trois mêmes touches. Les mails dessus commencent à se prendre. Non, mais attends, je joue paladin, donc de toute façon, je sais ce que je... Non, c'est vrai. Avant, attends, tu pouvais jouer paladin, tu savais même pas sur quoi t'appuyer, ça sortait tout seul. Hein. Enfin, un coup de chance. Il est très diplomate, Ludo, d'habitude, il aurait pas dit ça comme ça. Ah non, non. Mais c'est bien. Amandine a plus de cojones que toi, donc vas-y Amandine. Oui. Donc comme je le disais avant, le paladin c'était plutôt monotouche, mais ces derniers mois, et surtout avec Wrath of the Lich King, il a subi beaucoup de modifications de gameplay, voire même une refonte. Maintenant, le paladin orienté Vindict possède le repentir, et il est de nouveau très bien vu en instance, parce qu'avant, faut pas dire, mais il avait beaucoup de mal à se faire accepter, étant donné qu'il avait aucun contrôle de foule. Contrairement par exemple au mage avec la métamorphose, ou au voleur avec assommé, donc se contentait de faire des dégâts, mais pour le contrôle, c'était pas lui qui fallait appeler. Et c'est redevenu très plaisant et très accessible, même si certains le regrettent, parce que du coup, c'est devenu un peu plus simple. Et c'est de nouveau une classe cheatée quand elle est bien jouée, faut le dire. Ludo, il en peut plus. Ludo, va faire un tour, va embrasser ton frère. Alors, comme me l'ont fait remarquer mes deux compères, je balance un peu sur le paladin, donc je tenais à prévenir les gens que je joue paladin, et que c'est ma classe préférée, donc si je dis ça, c'est en connaissance de cause, et c'est certainement pas pour dire que le paladin, c'est pas bien. Alors, le paladin lutte avec des sceaux, des auras et des bénédictions, c'est-à-dire qu'il a des coups particuliers, bon... Mais essentiellement, des sceaux, des auras et des bénédictions, c'est le plus important pour le paladin. Alors, le sceau, c'est une amélioration personnelle. Vous faites par exemple des bonus de sacré à la frappe, ou alors vous récupérez des pavés... Des pavés. C'est un manifestant, le paladin, c'est quoi le principe? Je fais un mélange de PV et mana. Oh, je sentais bien que j'étais mal barré dans ma phrase, mais alors... Donc, le paladin a une histoire de pavé, je n'ai pas très bien compris, Amandine. Voilà. Non, mais en fait, à chaque frappe, il récupère des pavés, faut le savoir. Ensuite, tu peux les échanger chez un marchand. À Van Cleef, la faction de Van Cleef, puisque Van Cleef était un maçon et qu'il aime beaucoup les pavés. Il se construit sa petite forteresse, son petit mur en pavé, grâce au paladin. D'accord, oui. Effectivement. Reposez-vous un instant pour reprendre votre souffle. Donc le saut est une amélioration personnelle qui permet à chaque frappe de faire par exemple un bonus de dégâts du sacré ou de récupérer des PV ou de la mana. Il a également des auras qui sont alors par contre des bonus pour un groupe ou un raid. C'est-à-dire que ça s'applique à toutes les personnes qui sont dans les 40 mètres et ça vous fait bénéficier d'un bonus d'armure ou par exemple une protection contre le feu, contre l'ombre, contre la glace, etc. Ensuite, vous avez les bénédictions que le paladin peut lancer à la fois sur lui et sur les autres. Dans la version simple, la bénédiction dure 10 minutes. Elle vous permet par exemple d'avoir une meilleure régénération du mana ou un bonus de 10% aux caractéristiques, un bonus de puissance d'attaque. Bon, c'est assez varié, il y a toujours une bénédiction adaptée pour chaque personnage. Et dans la version 30 minutes, le paladin, en fait, au lieu de la lancer à la main sur chaque personnage, je la lance sur une classe particulière du raid. Et ça dure 30 minutes. Donc c'est assez embêtant, par exemple, si vous avez un paladin soin, un paladin tank et un paladin DPS, vous ne pouvez pas en bénéficier parce que sinon vous allez tous avoir la même. Et généralement, ça ne va pas vous arranger. Je comprends pas très bien l'idée, il lance sur une classe en particulier. Oui, en fait, maintenant, les bénédictions qui durent 30 minutes, tu cibles un druide, tous les druides du raid auront cette bénédiction. Ça te coûte un composant, tu leur mets une bénédiction qui dure 30 minutes. Mais l'embêtant, c'est que suivant leur spécialisation, ça ne peut ne pas les arranger du tout. D'avoir tous les trois la même, donc tu seras obligé d'écraser la bénédiction de 30 minutes avec une bénédiction de 10 minutes plus adaptée. D'accord. J'espère d'ailleurs qu'ils vont changer ça, parce que les bénédictions de 30 minutes qu'on met sur une seule classe, c'est vraiment pas top. Oui, avec les mises à jour récentes, dernièrement, on a eu droit à la double spécialisation. Alors je tenais à dire que pour les classes hybrides, c'est quasiment indispensable. Alors c'est un gros investissement de base parce que quand même ça coûte 1000 pièces d'or. Et pour une classe hybride c'est extrêmement intéressant parce que ça vous permet par exemple d'avoir une spécialisation soin, une spécialisation tank, ou une spécialisation DPS, une spécialisation soin. Et c'est d'autant plus intéressant que récemment on a implémenté le gestionnaire d'équipement dans World of Warcraft que vous pouvez aller chercher en interface et qui vous permet de sauvegarder votre équipement tel qu'il est, de lui donner un nom, ensuite vous équipez votre équipement alternatif, par exemple votre équipement soin. Vous l'appelez soin et en une seconde vous passez d'un équipement à l'autre plutôt qu'avant c'était extrêmement chiant déjà d'aller respect à chaque fois en ville auprès de son maître, de replacer ses points de talent puis de replacer son stuff, ça prenait un temps infini. Maintenant il n'y a aucune excuse si vous avez 1000 PO parce qu'en 5 secondes vous pouvez passer radicalement d'une spécialisation à une autre et être opérationnel pour partir en groupe. Donc les spécialisations, la première spécialisation du paladin c'est le sacré, alors ceux-là on les appelle le pala heal ou pala soin. Alors le soin du paladin c'est orienté mono cible. Mais maintenant, avec les glyphes, on se rattrape très très bien. Avec le glyphe, par exemple, de lumière sacrée, 10% du montant de soins rendu par lumière sacrée à une cible est rendu également à 5 cibles proches. Donc c'est un petit soin de gros, parce que 10% c'est pas énorme. Enfin, sur 10K, ça représente quand même 1000, ce qui est déjà pas si mal. Il y a aussi l'Orient sacré, qui est un petit soin instantané, qui porte à 40 mètres pour un allié et 20 mètres sur un ennemi, si vous vous souvenez bien. À la base, c'est le sort d'Arthas dans Warcraft 3. Je ne laisserai pas ce fléau se répandre. C'est pour ça que j'ai choisi Paladin à la base, mais en fait, il l'avait pas. C'est ballot, si t'es pas spé sacré, tu l'as pas. Parce que t'étais fan d'Arthas ? Bah bien sûr ! Du terre aussi ! Je dis ça rien pour faire chier Brock. Cosmique, affreuse. Le talent ultime du Paladin, c'est vraiment génial, en spé soin. Le guide de lumière. Alors une fois que vous la posez sur une cible, 100% des soins qui sont lancés sur les cibles qui sont dans les 40 mètres sont rendus à cette cible. Donc vous la mettez sur le tank, à chaque fois que vous avez à côté un voleur qui se prend une bane, vous le soignez. Ou 100% des soins sont également rendus au tank. Ça dure une minute et vous pouvez le renouveler assez souvent, c'est ultime. Ça vous permet d'être un peu plus, comment dire, un peu plus efficace en raid. Parce qu'avant, le paladin était associé au tank. Et s'il s'en décollait une seule seconde, sachant que le paladin sacré, c'est la seule classe de soins qui n'a pas de soins dans le temps. Contrairement par exemple à la rénovation du prêtre, au rétablissement du druide. Donc il ne pouvait pas décoller de sa cible pendant 5 secondes pour aller soigner un autre type, sinon le tank mourrait. Maintenant, avec ça, ça lui permet d'être un petit peu plus, mobile. Ensuite, la seconde branche, c'est protection. On les appelle pas la tank, comme ça c'est simple. Alors le palatank est extrêmement dépendant de son soigneur encore plus que les autres classes, parce que son tanking est basé exclusivement en fait sur sa mana, c'est-à-dire sur sur sa puissance des sorts, etc. Donc, si vous n'avez plus de mana, vous ne pouvez juste pas tanker, si vous n'êtes pas la bombe, parce que vous frappez avec un DPS de moule qui ne retiendra absolument personne, par rapport à, par exemple, la pyro d'un mage. Donc, il faut absolument que vous ayez un soigneur derrière. Et c'est grâce, en fait, à l'harmonisation spirituelle, qui est un talent. 12% des points de vie rendus par les soins sont convertis en mana. Donc, si vous avez une rénovation sur la tête, si vous avez un soigneur au cul, vous pouvez tanker pendant des heures et des heures. En fait, ça dépend uniquement de la mana du soigneur. Faut le savoir. Bon, évidemment, on a aussi Supplique Divine qui permet de récupérer un montant de mana dès qu'on clique dessus et qu'on peut relancer toutes les minutes, mais dans un combat de longue haleine, ça suffit pas. Et donc, c'est pour ça que, contrairement à d'autres classes, le palatank ne peut pas tanker tout seul. C'est-à-dire que si vous voulez vous rusher une instance, vous allez galérer. Il excelle dans le tanking de masse parce qu'il tank à l'AOE, à la consécration, il a beaucoup de sorts qui touchent plusieurs cibles, mais par contre, le problème du palatank, c'est qu'il n'est pas très mobile, puisqu'il est obligé de rester dans son AOE, et généralement l'AOE, on la met là où on est et on n'en bouge plus. Donc si vous êtes avec un palatank, il ne faut pas vous amuser à pouler un type sur un côté, parce que s'il passe pas dans l'AOE, il ne va pas le récupérer, donc après il faudra qu'il court après. Une fois qu'il le ramène, il n'y aura plus d'AOE, tous les monstres vont partir, enfin ça va être une vraie catastrophe. Et il a aussi, alors ça j'ai trouvé ça génial par rapport aux autres tanks, ce que j'appelle la frite, c'est-à-dire que c'est un sort qui s'appelle Main de Rétribution. C'est vous ciblez un ennemi qui est en dehors du pack que vous venez de pull. Ça fait 55 points de dégâts, ce qui est absolument ridicule, mais ça provoque la cible. Donc si vous êtes sur un pack où il y a par exemple 4 corps à corps, et vous avez alors, derrière un chasseur ou un mage, bref, quelqu'un que vous ne pouvez pas prendre dans votre AOE, régulièrement vous lui envoyez une frite. Comme ça vous êtes sûr qu'il ne va pas vers votre soigneur. C'est histoire de rappeler au mob que t'es là en fait. Et c'est très pratique, parce que étant donné qu'il est coincé dans son AOE, le paladin il peut pas forcément aller chercher d'autres cibles. Donc il a un sort de provocation, plus la main de rétribution qui lui permet de focaliser sur lui l'attention des DPS distance. C'est comme une petite sarbacane en fait, c'est comme ça. Avec c'est tout à fait le système. La dernière branche, c'est la branche Vindicte, qu'on appelle aussi rétribution sur les canaux, à cause du nom en anglais de la branche. Donc on les appelle pas la DPS, pas la Vindicte, pas la Rette, pour paladin rétribution, ou même pas la Rette. Donc c'est la branche à dégâts. Vous pouvez faire énormément de dégâts multi-cibles, il bénéficie d'énormément de sorts, je vais vous en citer quelques-uns. Le repentir, qui est le contrôle qu'on lui a implémenté, donc avant ça durait 6 secondes, ça dure toujours 6 secondes en JCJ, mais en instance, en PvE, ça dure 1 minute depuis Wrath of the Lich King, et ça vous permet en fait, ça dit plonge la cible dans un état méditatif, enfin bref, il est assommé pendant 1 minute. Et ça ne marche ni sur les bêtes ni sur les élémentaires, mais ça marche sur toutes les autres cibles. C'est vraiment excellent. Une fois qu'il a mis aussi des points dans son arbre de talent, il a un gros bonus de vitesse, il court 15% plus vite que tout le monde en permanence. Il a aussi le sort Tempête Divine, 110% des dégâts de l'arme sur 4 cibles, et soigne 3 membres du groupe ou du raid pour 25% des dégâts infligés. Donc on peut dire que dans un sens, le paladin DPS fait un minimum de soins quand même à chaque fois. C'est vraiment devenu une très très bonne classe de soutien et il a un fort DPS. Si vous l'équilibrez bien entre add force et chance de critique, il peut aller jusqu'à faire 40% du DPS en instance à 5. Même sans être particulièrement bien équipé. D'accord. Et je crois que j'ai fini pour les spécialisations, il me semble. Alors à première vue, j'ai oublié quelque chose pour vous. Est-ce qu'un paladin spécialisé en sacré peut être est plus puissant qu'un prêtre spécialisé en sacré ou un druide? Non, c'est pas du tout pareil en fait. Il est ni plus puissant ni moins puissant. Je te dis, le défaut du paladin, c'est qu'il est mono-cible. Grosso modo. Donc il n'est pas aussi compétitif dans les raids, par exemple, qu'un druide qui peut soigner tout le monde. Mais par contre, lui, il soigne au critique, c'est-à-dire qu'il peut faire un soin beaucoup plus important d'un seul coup qu'un prêtre, sans trop de difficultés, puisque lui, il est basé plus sur l'intelligence que sur l'esprit. C'est-à-dire que lui, il a énormément de mana, il a énormément de chances de critique, et donc sur un seul soin, il peut rendre plus qu'un prêtre, potentiellement. Mais par contre, il peut pas être partout, et il peut pas, il a pas de soins sur la durée, donc il est un peu plus limité, on va dire, il faut être plus concentré quand on n'est pas la soin que quand on est prêtre soin. Et il y a un avantage à être en armure quand tu soignes, enfin, par rapport aux autres classes, je crois que c'est le seul soigneur en armure, hein, c'est ça, enfin en plaque. Oui, exactement, c'est le seul soigneur qui soit en plaque, mais au final, c'est bah, je trouve pas que ce soit un si gros avantage. Bon, effectivement, par rapport au prêtre, quand on reprend l'aggro, on se fait pas one shot et on fait pas carpet immédiatement. Mais par contre, il faut pas croire, en fait, le stuff qui est spécialisé soin a beaucoup moins d'armure que le stuff DPS ou que le stuff tank, forcément. Et donc, 2-3 frites en mode héroïque dans la tronche et vous avez plus de paladin. Et c'est aussi, par contre, le gros intérêt de la bubule. Donc la bubule. Alors parmi les bonus du paladin, bien sûr, alors celui-ci, il est incontournable. Vous êtes invincible pendant 12 secondes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que le paladin sait cheater. Ensuite, il est livré de série avec un stun de 6 secondes. Le marteau de la justice. Donc c'est extrêmement pratique, d'autant plus qu'il faut savoir aussi que le paladin, c'est une des seules classes qui n'a pas de coup positionnel. Donc c'est-à-dire que même en tant que DPS, vous n'avez jamais besoin d'être dans le dos de votre cible, ou sur le côté, ou n'importe où, au-dessus, ou en dessous. Et c'est aussi d'ailleurs à cause du manque de coup positionnel qu'on a dit que ça se jouait avec une seule touche, hein, parce que même si le type est dans votre dos, par exemple, vous pouvez lui lancer le marteau de justice. C'est vachement chouette, je trouve, quand même. Mais ça contribue à rendre le paladin énervant, c'est vrai. Ensuite, le plus du paladin, bah, c'est forcément les auras, les bénédictions. Si vous êtes dans un groupe d'ailleurs et que vous n'avez pas de bénédiction, c'est que votre paladin est mauvais, vous pouvez le virer tout de suite. Il est aussi insensible au ralentissement et il peut rendre un membre du groupe insensible au ralentissement. La bénédiction de liberté s'appelle pendant 15 secondes, c'est très utilisé en BG, à Warzone par exemple. Il peut se remettre aussi full vie en un seul instant. Bon, c'est une technique avec un cooldown, il me semble, de 15 minutes, non de 20 minutes, qu'on peut descendre à 15 minutes. C'est la fameuse imposition des mains, c'est ça ? La fameuse imposition des mains, et ça rend également du mana aussi. Donc c'est une totale triche en PVP, je comprends que ça énerve les gens. Mais par contre, en instance, si vous êtes soigneur et que vous avez perdu de vue votre tank pendant un instant, il est passé hors de votre portée, vous arrivez, pouf, imposition des mains, c'est excellent. Et il permet également de dispel du poison, la maladie et les magies. Donc si vous avez un paladin dans vos groupes, en théorie, vous êtes tranquille. Les métiers que je conseille pour le paladin. Alors, personnellement, testez et approuvez joaillerie. Parce que quand vous êtes paladin, surtout si vous avez investi dans la double spécialisation, vous avez un gros stuff à gémir. D'autant plus que la joaillerie, vous avez toujours une gemme pour chaque statistique, voire même plusieurs gemmes pour chaque statistique. Et que le paladin a beaucoup de statistiques à faire évoluer. Mais en plus, le joaillier a des gemmes particulières qui sont parfois deux ou trois fois plus puissantes que les gemmes de base qui sont liées qu'en ramassées. Je pense par exemple à la gemme 41 endurance, qui est absolument indispensable pour un palatank. Et je voudrais dire aussi que généralement on coupe la joaillerie avec le minage, mais que si vous avez un autre personnage mineur ou un ami mineur ou une guilde très généreuse, je conseille plutôt le combo joaillerie-enchantement. Donc pour les mêmes raisons précédentes, l'autre combo, bon personnellement j'aime moins, mais c'est vrai que c'est très très bien, c'est forge et minage. Ou forge et joaillerie, pareil, si vous avez un ami mineur ou quelqu'un qui peut vous prêter, ou si vous êtes très très riche. Les dernières armures et armes créées en forge épiques sont vraiment excellentes. Et elles envient pas grand chose au premier équipement qu'on peut dropper à Naxxramas. Pour ce qui est des bandages de comment ça s'appelle, du secourisme, est-ce que c'est utile pour un paladin ou pas du tout, étant donné qu'il y a des sorts de soins? Alors je trouve que c'est assez utile en JCJ, c'est vrai. Parce que généralement quand on a plus de mana et qu'on est sur le point de mourir, on fait une bulle et puis on fait du secourisme. Et sinon c'est pas non plus primordial. Donc ça c'est juste une petite note à l'attention des paladins. Il y a un sort super qui s'appelle Intervention Divine et ça permet en fait quand le temps tourne à l'orage de sortir un membre du groupe du combat en se sacrifiant bien sûr, donc ça veut dire surtout ne le faites pas si vous avez l'impression que ça va un peu mal parce que vous allez mourir. Ça vous permet de gagner un temps fou quand vous êtes en plein milieu d'une instance. Vous sortez votre soigneur, bon vous mourrez c'est pas grave. Tout ce que vous avez à faire c'est d'attendre que les mobs soient revenus à leur place de départ et qu'ils cliquent sur le debuff et qu'ils vous ressuscitent. Donc c'est un gain de temps incroyable dans les longues instances. Mais il faut qu'ils soient un petit peu à l'écart du boss. Comme je sais que ça nous est arrivé une fois de le faire, de faire ce truc-là, intervention divine, donc, mais juste sous les pieds du boss. Donc ça sera exactement. Un petit peu donc c'est pas facile à cibler. Généralement il y a des gens aussi qui ratent le soigneur. Donc intervention divine sur un voleur, ça sert à rien non plus, c'est pas la peine. Vous faites du mal pour rien. Et en plus, il faut aussi, oui, forcément, que la personne qui est ciblée par l'intervention divine soit assez loin. Donc vous pouvez faire une macro de ciblage. Mais il faut faire aussi attention à ce qu'il soit pas en plein milieu du combat, parce que sinon, en plus, pour lui, c'est terrible. Il va attendre 3 minutes au maximum, et puis ensuite, il va se faire piétiner. C'est un coup à prendre, mais c'est extrêmement important, et franchement, si vous savez bien le placer, tout le monde va vous remercier. Un petit sacrifice pour le bien commun. Moi, je joue paladin parce qu'au départ, je voulais être quand même assez autonome, parce que j'ai commencé le jeu plutôt seul, et que je voulais pouvoir assumer plusieurs rôles, et que je voulais pas me faire détruire tout de suite. C'est-à-dire que j'adore le prêtre aussi, c'est ma seconde classe préférée. Mais le prêtre, à peine on se retourne vers lui, que déjà il n'est plus là. C'est-à-dire que quand on est prêtre, il faut savoir qu'on fait souvent tapis. Et avec le paladin, on peut éviter ça avec le système de la bulle. Paladin tout seul, c'est bien, c'est autonome, mais c'est pas très intéressant. Ce qui est le plus intéressant, en fait, c'est ce qu'on peut apporter au groupe. Le système des bénédictions, des auras, c'est quand même un énorme plus pour un groupe d'avoir un paladin qui sait jouer, par contre. Parce qu'effectivement, s'il met n'importe quelle aura, qui sait pas placer ses bénédictions, c'est comme si vous aviez un voleur, on va dire. Le paladin, il peut à la fois aider un peu au tanking, il peut faire off-tank, il peut faire un peu de soins par-ci par-là. Il peut avoir un fort DPS s'il est bien équipé. C'est vraiment une classe intéressante à avoir avec soi. Mesdames et messieurs, c'était la première chronique d'Amandine. Ludo, j'aimerais qu'on applaudisse Amandine. Tous les deux, tu es prêt ? Bravo. Et tout de suite, donc, on se lance dans la partie raid du mois. En fait, moi, ce mois-ci, j'aurais aimé vous présenter un aspect du jeu que j'ai pas forcément connu à l'époque où je débutais les raids. C'était en fait les 4 dragons, les fameux dragons du cauchemar qu'on peut trouver dans WoW classique. Donc dans le monde entre Kalimdor et les royaumes de l'Est. Donc ces 4 dragons en fait qui sont à côté de genre de grosses portes des étoiles, ça fait un peu penser à Stargate quand on les voit. Ce sont les 4 lieutenants d'Izera, a priori corrompus, donc ce qui explique pourquoi maintenant ils sont devenus hostiles envers les joueurs et enfin envers le monde en général. Pour vous donner les noms, donc nous avons Isandre, Letton ou Letton, parce qu'il est pas beau, Emrys et Taerar. Ou Taerar. Bon, comme vous voulez. Alors, c'est des dragons qu'on peut trouver aléatoirement dans 4 endroits des royaumes de l'Est et de Kalimdor. Donc dans les Interlands, c'est en haut à droite. Dans Orneval, encore une fois, en haut à droite. Dans le bois de la Pénombre, c'est en plein milieu, si vous voyez la carte en fait. Donc vous avez une chaîne de montagnes tout autour, il est en plein milieu le dragon. Et le dernier point, c'est à Feralas, et lui, il est dans le coin en haut à gauche. Voilà, donc ce sont des gros dragons, vous ne pourrez pas les rater, ils aggrodent assez loin, donc si vous voulez aller vous balader, un peu les voir, évitez trop de vous approcher, sinon vous allez prendre le flip quand même à vous poursuivre. Alors si on rentre dans la technique en elle-même, ils sont pas vraiment compliqués, mais il y a quelques petites choses à savoir quand même, je pense qu'ils peuvent être intéressantes. Donc ils ont environ 5 capacités communes. La première, c'est un sommeil de zone. Deuxième capacité, c'est une nuée toxique. En fait, ça va augmenter le temps de rechargement de tous vos sorts. Et en même temps, ça va vous faire 3000 points de dégâts qui peuvent se cumuler. Un coup de queue, pas comme Aligos. Eux, ils peuvent mettre des coups de queue. Ça, c'est pour ceux qui ont suivi le deuxième épisode. Ils ont également un affaiblissement qui est la marque de la nature. Cette dernière compétence, c'est tous les 25%. Donc, dès qu'ils ont perdu 25% de vie, ils vont lancer quelque chose de particulier. En fonction du dragon, ça va changer. Oui, il me semble qu'il y en a un qui a les yeux du Volvert, c'est ça, non? Le regard qui tue. Et ça fait quoi, le regard qui tue? Il a les yeux du Volvert, le regard qui tue. Non, c'est pas ça? Non, c'est... Excusez-moi. Bonjour. Ouais, tu es un peu seul sur la Terre, là. Alors, le premier dragon des quatre dont je vais vous parler, ce sera Isandre. Alors, Isandre, au niveau de la position... Comme d'hab, c'est... Enfin, ça sera pour tous les dragons, en fait, même. Position, seul. Alors, le main tank, hein, personne derrière pour éviter les coups de queue. Sur les côtés, les classes de dégâts au corps à corps. Donc là, tout ce qui est voleur, chaman Amelio, etc., etc. Donc là, il faut se positionner entre les pattes latérales avant et arrière. Donc de préférence, pas avant les pattes latérales avant pour pas être devant le dragon et pas derrière pour pas prendre des coups de queue. Alors, pour en revenir à notre cher Isandre, une des premières capacités qu'elle a, c'est une vague d'éclairs. Donc c'est un peu comme la chaîne d'éclairs du chaman. C'est-à-dire, ça va en fait, c'est un éclair qui va se répandre jusqu'à 10 joueurs, qui va faire à 1000 points de dégâts sur chaque joueur. Donc là, ce qu'il faudra faire, c'est éviter d'être peut-être trop près les uns des autres. Et la deuxième capacité, donc c'est tous les 25%, comme je vous disais, ce qui est commun à tous les dragons. Là, ce qu'elle va faire, elle va invoquer des druides qui peuvent vous empêcher d'incanter. Et également, ça fait des éclats lunaires. Donc les éclats lunaires, c'est ce que peuvent faire les druides. C'est des dégâts dans le temps, en fait. Mais c'est pas que un dot, il me semble. T'as un fort DPS initial et ensuite c'est un dot. Ok, donc dégâts de base plus ensuite encore une, oui. Une partie de dégâts répartie dans le temps. Oui. Ok. Autant pour moi, merci pour la correction. Et donc, dès que ces druides disparaissent, donc, la priorité c'est de les tuer eux en premier, parce qu'avec leur sort de silence, ça peut vous conduire justement à la mort générale du raid, si justement les soigneurs ne peuvent pas incanter de sort de soins. Le deuxième dragon, Emrys, deux particularités. Donc la première c'est infection volatile. C'est en fait, il va infecter un joueur pendant environ 2 minutes, si je me trompe pas. Et en fait, ça va lui infliger entre 875 et 1126 points de dégâts à lui et à ses compagnons autour de lui toutes les 5 secondes. Donc ça dure 2 minutes, donc ça peut monter très vite. Et même si vous êtes niveau 80 et que vous recevez aucun soin, je pense que vous pouvez mourir par rapport à ça. Et tous les 25%, donc lui, il va mettre en fait un dommage sur le temps à l'ensemble du raid. Donc là, peu importe la distance à laquelle vous êtes, vous aurez donc ce dégât dans le temps. Et sur 10 secondes, ça va vous enlever la totalité de votre vie. Donc pour pas que vous succombez justement à vos blessures, il suffit simplement d'être au moins soigné une fois. Donc là, les prêtres et toutes les classes qui soignent, faites des soins de groupe, au moins juste une fois pour monter un peu la vie des membres du groupe, pour être sûr qu'ils ne meurent pas, et ensuite remontez-les tranquillement à la rénovation ou aux soins dans le temps. La petite subtilité, on va dire, de ce dégât sur le temps, c'est s'il y a un joueur qui meurt, ça va faire en fait apparaître un champignon à sa place, et qui va faire... un sort de dégâts autour du champignon, donc bon, c'est à 2 mètres, donc ça va, c'est pas trop gros l'air d'effet. Et les dégâts, ce sera entre 1000 et 2000 pendant 10 secondes. Bon, c'est pas trop gênant, on va dire, au niveau 80, mais s'il y a beaucoup de champignons, ben ça peut vite tomber n'importe quelle classe. Pour le positionnement par rapport au raid sur ce dragon, là, comparé à Isandre, faudra que tout le raid soit en bloc. Mais pas devant le dragon. Enfin, on va dire tout le raid rassemblé sera beaucoup plus simple pour les soins, etc. Alors le troisième dragon, c'est l'étang. Sa particularité, lui, ça va être une salve de traits de l'ombre. Donc, comme on connaît par certains boss, il va envoyer en fait des boules d'ombre, un coup sur sa gauche, un coup sur sa droite. C'est le tank qui va tout faire au niveau du placement. C'est-à-dire que tout le raid va se placer d'un seul côté. Alors à gauche ou à droite, ça vous le décidez avant de débuter le combat. Et vous ne bougez plus, vous restez du même côté. Ce qui va se passer, c'est que dès que le combat va être engagé, dès que le dragon va faire sa première salve, vous allez voir directement sa séquence. Donc si la première salve est à gauche, vous êtes sûr que la deuxième est à droite et vice versa. Si admettons il lance la première salve et que vous êtes à gauche et personne ne bouge, le tank non plus. Vous continuez le combat, la deuxième salve arrive, donc il va la jeter à droite, donc là vous n'êtes pas touché. Une fois que la deuxième salve est lancée, ce qu'il doit faire le tank, il doit aller de l'autre côté du boss. Donc en fait, il doit retourner le boss pour qu'ensuite il lance sa salve à sa gauche. Mais à sa gauche, à lui, ce sera à votre droite. Oui, il faut simplement que le tank, entre chaque salve, le tank fait le tour du dragon, c'est ça? Voilà, exactement. Enfin, il le traverse, quoi. Et je me disais, est-ce que tu peux pas le faire avec deux tanks à ce moment-là? Et quand la salve est lancée, un autre tank qui est derrière et qui tente? Ben, c'est pas trop possible parce que le tank qui est derrière, il va se prendre des coups de queue. Ah oui. Ouais, à ce moment-là, tu peux le faire au niveau 80, on va dire. Normalement, le coup de queue éjecte. Ça va vite l'agacer, à mon avis, à chaque fois de revenir. Si t'as un tank qui n'a rien à faire, éventuellement. C'est ça, voilà. Ouais, voilà. Bah, mais t'es un paladin. Alors. Non, je rigole. Brox, tu peux copier, s'il te plaît. Non, je le laisse, ça, c'était bon. Et la deuxième compétence, donc en plus de toutes les compétences communes, je le rappelle, pour les deux du fond qui suivent pas, tous les 25%, donc 75, 50 et 25%, il va lancer en fait des ombres régénérantes. Alors, qu'est-ce que les ombres régénérantes? En fait, ce seront tous les joueurs qui sont proches du dragon, ils seront étourdis, et en fait, une ombre va s'échapper de leur corps et va aller vers le dragon pour le régénérer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Donc, dès que le dragon il arrive à 75% de vie, personne ne bouge dans le raid, tout le monde reste en bloc. Le dragon, donc il va lancer son ombre régénérante, ça va le soigner pratiquement de l'intégralité de ses points de vie. On bouge pas. Vous allez comprendre après pourquoi. Donc il remonte à 100% de vie, on le retombe jusqu'à 50% de vie. Donc pour rappel, à 75% la deuxième fois, il relancera pas l'ombre parce qu'il a déjà fait la première fois. Donc une fois qu'il tombera à 50% de vie, là, tous les joueurs au corps à corps, sauf celui qui s'occupe d'attirer l'attention du boss, ils vont se mettre le plus loin possible du boss, donc de préférence au-delà de 40 mètres. Les classes qui font du dégât à distance, chasseurs, mages, démonistes, etc., prêtres, soigneurs, tout ça, ils se mettent à portée maximale de soins. Donc c'est 40 mètres, parce que c'est 40 mètres la portée maximale. Et là, ce qui va se passer, donc on tombe le dragon à 50% de vie, il lance ses ombres régénérantes, et les ombres vont se diriger lentement vers le boss. Donc à ce moment-là, toutes vos classes, enfin toutes les classes de dégâts vont se concentrer uniquement à tuer ces ombres pour éviter justement que le dragon se régénère. Une fois que c'est fait, tout le monde reprend sa position initiale et on continue comme ça jusqu'à 25%. Et à 25%, on refait exactement la même chose qu'on a fait à 50%. Donc voilà, si vous arrivez bien à gérer les traits de l'ombre et les ombres régénérantes, il n'y aura pas trop de difficultés. Et le petit dernier, donc c'est Taerar. Alors lui... À mon avis, c'est une elle, vu le prénom, mais... Donc, il ou elle. Si vous traversez un dragon, n'hésitez pas à regarder sous sa jupe, puis vous me direz si ce sont des garçons ou des filles. Monsieur, dame, ce dragon a un sort de peur, donc c'est toutes les 30 secondes et dans un rayon de 35 mètres autour de lui, tout le monde prend peur. Parce qu'il lève sa jupe. Ça, c'est pas trop grave, avec un totem de séisme, t'en parles même plus, non? Oui, mais totem de séisme, ça touche que le groupe. Pas le raid. Enfin, il y a pas mal d'outils maintenant pour se protéger. Oui. Dans tous les cas, il faudra maintenir... C'était un gardien de peur, je crois, si je me... Exactement. Voilà. Celui du prêtre. Voilà, celui du prêtre, donc toujours un gardien de peur sur le tank. Par contre, par rapport au sort de peur, il faut faire très attention au paladin. Parce que si un paladin est touché par un sort de peur, il va faire tout de suite bubule et TP à Iron Forge. Donc, maintenez et éventuellement... Sinon, éventuellement, le paladin, il te fait... Voilà, voilà. La deuxième compétence donc de Monsieur Dame Taerar, c'est des boules d'arcane. Donc là, c'est... en fait, ça va faire 1500 points de dégâts, si je me trompe pas, sur une cible, choisie au hasard. Et en plus des dégâts, ça va renverser la cible, donc ça va un peu l'incapaciter. Bon, si c'est un soigneur, c'est peut-être un peu plus gênant. Après, c'est une classe de dégâts, c'est pas trop grave. L'autre compétence, donc c'est tous les 25%. Alors lui, ce qu'il va faire, en fait, il va faire apparaître 3 dragons. Donc ces 3 dragons, ils ont une aura chacun, qui va faire des dégâts. Et en plus, le crachat venimeux, donc ça fait également des dégâts. Donc dès que les 3 dragons ils apparaissent, le boss principal il va disparaître et vous vous retrouvez avec les 3 dragons. Donc naturellement la priorité c'est de tuer les 3 dragons parce que le boss il est parti. Alors ce qui peut être bien pour ce dragon justement c'est si vous avez plusieurs tanks. Donc un qui va s'occuper donc du boss principal. Donc les autres ils vont faire du dégât sur le boss. Dès que le boss disparaît que les 3 dragons apparaissent, ben là les autres tanks ils vont s'occuper de garder l'attention de leur dragon sur eux, comme ça les autres joueurs peuvent faire du dégât tranquillement dessus. C'est pas des stratégies très pointues, vous allez pas forcément avoir trop de mal, surtout maintenant avec l'équipement que vous avez et le nombre de points de vie que vous avez. Ce sera surtout histoire de découvrir un peu et de s'amuser un peu dans le monde classique. Alors Jojo il les recense à 832 750 points de vie, donc c'est pas ça qui va vous donner du fil à retordre. Théoriquement, je pense que si vous êtes environ une quinzaine de niveau 80, voire certains l'ont fait avec à 5 niveau 80, mais je pense qu'ils étaient bien équipés, vous pouvez le tomber facilement. Ça peut être l'occasion de passer une petite soirée, faire la chasse au dragon. Donc pour tous les collectionneurs de plans, de patrons et de recettes, ça peut être justement l'occasion de compléter votre collection. Surtout un, je pense là, c'est Amandine qui m'en a parlé tout à l'heure. En fait, c'est une recette, c'est la recette élixir de vision de rêve. Alors, même au niveau 80, je pense que ça peut être encore utile. Alors, je vais vous lire l'intitulé, c'est du niveau 38. Vous confère une vision de rêve qui vous permet d'explorer les zones trop dangereuses à visiter. En fait, c'est un élixir, quand on le boit, donc tout autour de vous, ça devient en noir et blanc, en quelque sorte. Et ça vous permet justement de visiter un peu le monde. Donc, vous n'aurez pas les monstres, je pense. Donc, ils auront disparu, parce que quand vous êtes mort, vous n'avez pas les monstres. Et ça vous permet un peu de visiter, en quelque sorte, l'autre monde. Juste une petite note, il me semble que tu ne bouges pas en fait. Il me semble que quand l'effet finit, tu récupères ton corps, tu vois ce que je veux dire? Ah d'accord, en fait, donc c'est comme... Tu explores mais tu ne te déplaces pas, voilà, c'est ça. Ah, okay, et ensuite, ça... quand l'effet prend fin, tu reviens à ton point de départ. Et le dernier objet, donc tout à l'heure c'est toi Brock qui m'en a parlé, donc c'est un objet en fait qui tombe... Alors je sais pas s'il tombe à 100%, mais je crois que oui en fait. Apparemment il tombe à 100% sur tous les boss. Enfin, si vous tuez qu'un seul dragon, vous l'avez. Si vous tuez les 4, ça tombera sur le premier dragon, en fait. Voilà. Alors, tu me disais, justement, c'est un objet... apparemment, ça te lance une suite de 4 et ça finit à Reflet de Lune. Ça se termine à Reflet de Lune et ça vous permet d'apercevoir un des héros de Warcraft 3, Malfurion Hurle Rage. Voilà. Et puis, ça permet aussi d'avoir un aperçu, je pense, des prochaines extensions. Et puis, de comprendre un peu mieux ce qui se passe dans le cauchemar d'Emeraude, ou donc plutôt dans le rêve d'Emeraude. Mais il est pas censé dormir, Malfurion ? Bah si, mais il dort, mais c'est justement une vision de lui qu'on a. Voilà, il vient faire un petit clin d'œil à sa chère et tendre... comment elle s'appelle ? Maiev ? Non, Maiev, c'est celle qui poursuit Illidan. C'est Tyrande. Tyrande. Tyrande. Il est mort, mon frère. Ah, chouette. Chut, et pire pas. Salopard. Donc, c'est l'objet s'appelle Objet noyé dans les cauchemars. Et juste le mot de la fin, donc toutes ces informations, je les ai récupérées sur le site wowarena.com. Il y aura l'adresse dans les notes du podcast. Je crois qu'il est temps de se lancer dans le petit quiz surprise dont je vous avais parlé. On va invoquer l'ami Télénil parmi nous. Est-ce que vous êtes prêts? Il va falloir répéter après moi. Télénil. Télénil. Télénil. Télénil. Télénil. Télénil. Télénil. Télénil. Télénil. Télénil. Télénil. Télénil. Télénil. Télénil. Télénil. Télénil. Télénil. Télénil. Télénil. Télénil. Télénil. Télénil. Télénil. Télénil. Télénil. Télénil. Ça va? Ça va bien, merci. Et ben, je vais faire les présentations. Donc on a Télénil de Terra Mort avec nous, et puis il y a Ludo, que tu connais déjà. Et puis on a une invitée surprise, on a avec nous Amandine, Amshan. Bonjour. Donc je vais demander à Télénil de nous préparer un petit quiz pour cette quatrième émission. Il a accepté avec plaisir. C'est ça, absolument. Donc le thème de l'émission, enfin l'un des thèmes de l'émission, c'était les paladins. C'est ça. Oui. Est-ce que vous avez parlé de l'origine des paladins dans le background? Pas du tout, j'ai préféré éviter ça parce que je n'y connais rien. Ok, donc ma première question c'est, est-ce que vous savez quels sont les fondateurs de l'Ordre de la Main d'Argent? C'est-à-dire qui les a mis en place, qui ont été les premiers paladins? Est-ce que c'est Uther? C'est, Uther a rassemblé un truc parce qu'il y a son nom Porte-Lumière qui est le symbole de ça, je crois. Non, c'est pas lui, ouais, il me semble Uther, pas. Uther a fait partie du tout premier groupe de paladins. Ah mais non, mais c'est contre les orques. Il me semble que c'est contre les orques et ce sont des moines guerriers, des prêtres guerriers, si je dis pas de bêtises, c'est ça? C'est ça même. Le clergé qui a décidé de prendre les armes pour lutter contre les orques. Alors qui sont les fondateurs? Donc il y a effectivement Uther. Et puis, Turalion a dû en faire partie aussi, j'imagine. Turalion, je suis plus très sûr. Mais non, l'ordre des paladins a été formé sous la direction de l'archevêque Alonso Faol de Stormwind, enfin de l'abbaye de Northshire plus exactement. Comme tu l'as dit, c'était le clergé de Stormwind qui s'est rendu compte que ses pouvoirs de prêtre ne seraient pas suffisants et qui a appelé à prendre des armes. Donc ils ont formé un petit groupe de paladins, le plus connu et c'est Uther bien sûr. Ils ont été des champions de l'Alliance durant la guerre contre la Horde. Qu'est-ce qu'il est devenu ce Faol? On peut le voir en jeu ou il est mort? Alors Faol est mort de vieillesse entre la seconde et la troisième guerre, mais sa tombe est à Lordaeron, juste à côté du monastère Écarlate. On ressuscite, enfin les esprits des joueurs ressuscitent dans le cimetière où il est enterré, qui s'appelle le repos de Faol. Alors, deuxième question, parmi les groupes qui se sont détachés de l'ordre de la main d'argent quand il a été détruit, le plus connu c'est l'Aube d'Argent. Mmh. Et alors, est-ce que vous sauriez me dire qui est le fondateur et le chef de l'Aube d'Argent? Non pas de la croisade d'argent maintenant, mais de l'Aube d'Argent, de l'ancienne Aube d'Argent. C'est pas Maxwell quelque chose là Si, c'est si. Ça. C'est le type qu'on vous... d'accord, Max... il est Born je crois d'ailleurs, non? Aussi. Absolument. Je me souviens plus de son nom. Le seigneur Maxwell Tyrosius, qui avait fait partie de la croisade écarlate quand elle s'est formée à Lordaeron après la chute. Et lorsque la croisade écarlate a commencé à glisser sur la pente du fanatisme, en partie à cause de Balnazar, il a fait sécession et il a rassemblé ceux qui partageaient ses opinions pour créer l'Aube d'Argent, qui a décidé de coopérer avec l'ensemble des races d'Azeroth. Oh, elles sont corsées les questions. Ah ouais, c'est super dur. Eh ben c'est chouette, non? Ah, moi qui connaissais un peu les histoires de Warcraft, là je retourne à ma place, hein, je ferme ma gueule. Là, on va s'éloigner un peu des paladins. Alors, pendant les paladins ont combattu l'Alliance pendant la Seconde Guerre. À la fin de la Seconde Guerre, les orques capturés ont été emmenés dans des camps d'internement, des espèces de camps de prisonniers où on les faisait plus ou moins travailler. Alors, ces camps d'internement, où étaient-ils? Et il y en a quelques-uns qui sont vivants. Pardon? Lordamer. Ouais, non entre autres, oui. Lordamer. C'est l'un des deux camps qu'on voit en jeu. Le manoir Ravenholt, non? Non, pas en Non, le manoir Ravenholt, c'était pas un ancien camp d'internement. En fait, il y a deux camps, dont Lordamer, plus une forteresse qui supervisait les camps d'internement et où il y a eu des orques enfermés aussi. Ça fait trois en tout. C'est pas justement là où on est dans les grottes du temps 1 Ouais, c'est pas Fort Dodern. Si, c'est ça. Fort Dodern. Ouais, ouais, c'est ça. Et il en reste un. Stromgarde, peut-être, non? Arati? Peut-être, puisque c'est le dernier est à Arati, ouais. Puisque Orgrim est mort dans le coin, en libérant, enfin en s'attaquant à un de ses camps, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. Bah, tu brûles. Bah, c'est donc Stromgarde, non? C'est pas ça? Non, c'est pas Stromgarde. Vous vous souvenez d'Arati? Qu'est-ce qu'il y a, Arati? Oui, je me souviens d'Arati, mais je me souviens pas exactement des noms des zones. La princesse. Il y a la grosse princesse, mais je pense pas qu'elle soit liée à ça. C'est pas la ville ordeuse? Attends. C'est Ludo qui avait trouvé, c'était la ville ordeuse d'Arati. Donc Hammerfall, tout ça, pas d'Orgrim. C'est un ancien camp d'internement dans lequel les orques se sont réinstallés après. Et donc, pour récapituler, les trois camps sont le camp de Lord Hammer, où sont actuellement enfermés des réprouvés. Il y a le Trépas d'Orgrim, qui est actuellement une ville ordeuse. Et le fort de Dern qui supervisait l'ensemble des camps d'internement à l'époque où ils étaient répandus partout. D'accord, très bien. Et quand est-ce qu'ils ont été démantelés? C'est quand alors? Pendant l'évasion de Thrall. Enfin, quand Thrall, avant qu'il crée la nouvelle horde, je crois. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, il a reformé la horde en les libérant des camps d'internement. D'accord. Alors, autre question. La grande bataille de la troisième guerre a été la bataille du Mont Ujjal, où il y a eu une alliance de beaucoup de races différentes contre la Légion Ardente et le Fléau Mort-Vivant. Alors qu'est-ce que vous pouvez me dire un peu sur ces différentes races, les différents héros qui y ont participé? Alors je me souviens beaucoup des Elfes de la Nuit. Alors peut-être Malfurion Stormreach. Ouais, c'était le chef de la défense un peu. Le leader des Elfes de la Nuit, tout ça. Il y a Jaina Port-Vaillant qui a participé avec Thrall aussi à la défense. Ouais, c'est les leaders de l'Alliance et de la Horde, respectivement. Voilà, il y a Tyrande, il y a Cairn aussi. Alors, Cairn, on n'en est pas très sûr. Enfin, sa participation n'est écrite nulle part. Mais de notre côté, c'est bien possible. Enfin, c'est possible qu'il y ait été, puisque il s'est battu avec Thrall pendant une bonne partie de la campagne des Orques. Il y a eu des hauts elfes, mais Kaltas n'y était pas. Est-ce qu'il nous manque des héros, des personnages marquants de l'histoire de World of Warcraft, peut-être? Non, les personnages marquants, vous les avez tous. Après, il y a quelques personnages secondaires aussi. Par exemple, Chandris Faesermoon, alors je sais plus quel est son nom en VF. C'est Penlune. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Qui a connu Tyrande pendant la guerre des Anciens. Et qui est actuellement la générale des Sentinelles et qui est à Ferlas sur une île à l'ouest de la région. Et puis, tant qu'on y est, on peut aussi citer la 7ème Légion et Léoric von Zeldig qui se sont battus ensuite à Ankiraj et qui sont maintenant à Northrend, au fort de Winterguard ou Garde d'Hiver, je crois, dans la Désolation des Dragons. Ce sont des humains, des Actes de la Nuit, c'est quoi? La 7ème Légion a été fondée par des vétérans du Mont Ujjal et c'est un groupe d'élite de l'Alliance qui n'est pas spécialement affilié à un royaume et qui possède maintenant des membres de toutes les races, y compris des Elfes de la Nuit. D'accord. Autre question, le symbole de l'Alliance pure et dure, c'est le roi Varian Roin. Qu'est-ce que vous savez sur son père, son fils, voire son grand-père? Que son fils est limite plus intelligent que son père, en même temps c'est pas très dur. Réponse partisane, mais néanmoins acceptable. Tout ce que je sais moi, c'est que son fils est entre Dame Katrana Prestor et je ne sais plus quel autre paladin. Oui, ça c'est avant les Ching. Avant la 3-0, ouais. C'était Bolvar. C'est vrai, il est plus maintenant? Maintenant, l'autre paladin en question était le général Fort Dragon. Mm-hmm. Et Dame Prestor était bien sûr onicia déguisée, comme à peu près tout le monde le sait. Elle a été découverte par Fort Dragon et par les héros de l'Alliance. Donc Onicia a été tuée. Et le général Fort Dragon a été envoyé mener l'assaut de l'Alliance à Northrend. Et il a été tué par les réprouvés. Oh, attention, attention, monsieur Talini, il n'a pas été tué par les réprouvés, il a été tué par la peste des apothicaires. Oui, bien, l'objectivité nous pousse à dire que les réprouvés, sinon pas tous forcément approuvé les... actes de M. Poutresse et M. Varimatras ne les ont condamnés qu'une fois que la Horde a occupé Undercity, pour certains d'entre eux. Moi, j'étais pas d'accord. J'étais pas au courant. Non, il y a un petit détail intéressant avec, avec Anduin, enfin le fils de Varian, justement, et l'hommage qu'on a fait aux champions de l'Alliance de la Première et Deuxième Guerre, je sais pas exactement, c'est un peu confus dans la chronologie, je trouve, c'est que le fils de Varian s'appelle Anduin, comme Anduin Lothar. Donc, ouais, voilà. C'est ça. Le père donc, de Varian a été tué par Garona, c'est un ami de Medivh, il était très proche de lui, c'est ça? Ouais, c'est ça, et Lan, c'est le nom du père de Varian, qui avait connu Medivh dans sa jeunesse. Et on a une brève référence au grand-père de Varian, donc au père de Lan, dans le manuel de Warcraft 1, où c'est lui qui dirige Stormwind au moment de la première attaque de la Horde, qui a été un échec contre Stormwind. Et alors c'est pas très clair de si ce sont les orques qui l'ont tué ou s'il est mort de vieillesse peu après. Est-ce qu'on a manqué des choses? Oui, oui, la femme de Varian Ruin. Oui, Tiffin. Tiffin. Ouais, ça doit être ça. Celle qui s'est ramassée un rocher sur la gueule. C'est ça. Elle a été tuée accidentellement au cours des émeutes qui avaient été déclenchées par les maçons de Stormwind. Et qui sont plus tard devenus la confrérie des Fias. Voilà, c'est pour ça que Van Cleef s'est fait renvoyer en fait. Chien, tous autant que vous êtes. Est-ce qu'il te reste des questions encore? Ben, il m'en reste une. Aux elfes, non pas les elfes de sang, mais les aux elfes, sont un peuple en voie de disparition. La plupart se sont fait massacrer par le fléau, ceux qui restent sont devenus des elfes de sang. Néanmoins, il reste encore quelques aux elfes dans le monde. Alors, ils ont quelques camps et ils ont une présence dans certaines grandes villes. Est-ce que vous savez où sont leurs derniers bastions? Il y a le refuge de Kel'Lithien, qui est c'est au nord des Maltaires de l'Est, c'est ça? Ouais. C'est Kel'Lithien celui-là? Ouais. Il y en a un autre qui est Kel quelque chose aussi, qui est à l'est des Interland, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça peut être Kel'Danil ça. Kel'Danil, ouais, c'est ça. Il y en a la Terre à Mort, donc avec Jaina. Ouais. Les Hordeux pètent la gueule à quelques-uns d'entre eux qui viennent les espionner au marécage d'après Fange. Au Fort du Nord, il y en a aussi, je crois, non? Je dis pas de bêtises. C'est Terre à Mort, quoi. C'est le Northwatch, c'est une garnison de Terre à Mort. D'accord, ok. Ouais. Mais on en a pas en Outre-Terre des Elfes alors? Si, il y en a au Bastion Alérien. Comme les Hauts Elfes de Terre à Mort sont ceux qui étaient partis avec Jaina à l'ouest, à Kalimdor. Les hauts elfes du bastion Alérien sont ceux qui sont partis avec Khadgar en Outre-Terre, enfin sur Draenor qui n'était pas encore l'Outre-Terre, et qui se sont retrouvés piégés là-bas avec tout le corps expéditionnaire. Bah, du coup, il y a aussi le fils, donc enfin, mais lui, c'est vrai qu'il n'est pas né là-bas, mais il y a aussi Arathor le Rédempteur, c'est lui qu'on peut trouver un demi-haut-elfe en quelque sorte. Ouais. On trouve un moyen-elfe, alors je sais pas comment on dit, mais. C'est ce que j'allais dire. Demi-elfe. Ouais, d'accord. On peut trouver aussi des Elfes à Dalaran, bien sûr. Ouais. Le dernier endroit, donc qui est pas très flagrant, mais c'est surtout dans les textes qu'on apprend ça, c'est Stormwind. Enfin, dans le vent, ouais, Stormwind. On a quelques Elfes là-bas. Bon, en jeu, on en voit un ou deux, mais il y a plus. C'est simplement ailleurs qu'on lit qu'il y a encore une population de Elfes à Stormwind. D'accord. Ah, est-ce que ça se trouve par hasard dans le quartier des mages? Ouais, il y a une entraîneuse de mage qui est une haute elfe. J'ai jamais capté, tu vois. Et en dehors de ces quelques endroits-là, bah, il y en a plus des hauts elfes. Ouais, c'est vraiment les derniers points où on a des hauts elfes en nombre. En nombre relatif. Est-ce qu'on a une information sur le nombre de hauts elfes qui restent à peu près? Malheureusement, non, pas de nombre précis. Mais bon, il doit en rester peut-être quelques milliers, mais pas plus que ça. Bon bah écoute, merci beaucoup Télénil, merci pour ce petit quiz, c'était très instructif en tout cas. Oui, ouais, merci beaucoup, et si vous voulez en faire un autre la prochaine fois, je suis pour, mais je réviserai cette fois-ci. ouais, moi aussi, merci Télénil. Et puis à très vite. Bye. Salut, à bientôt. En des temps anciens, la Horde des Orques, corrompue par la Légion Ardente, fut attiré dans le monde d'Azeroth. Pendant des générations, les orques firent la guerre aux royaumes humains de Hurlevent et de Lordaeron. la Horde fut finalement vaincue. Mais un jeune chef visionnaire du nom de Thrall se leva pour diriger son peuple en son heure la plus sombre. Sous le commandement de Thrall, les orques se libérèrent de la corruption démoniaque et retournèrent à leur héritage chamanique. Après des années d'errance, ils fondèrent leur nouveau royaume dans les terres âpres de Durotar. Depuis leur cité guerrière d'Orgrimmar, ils se tiennent prêts à détruire quiconque s'en prendrait à leur suprématie. Pour Orgrimmar ! C'est pas facile d'être vert. Pour la partie jeu de rôle, en fait on appelait cette partie jeu de rôle, mais c'est un peu curieux puisque ce n'est pas forcément jeu de rôle, c'est plutôt l'histoire de World of Warcraft. Donc pour la partie histoire de World of Warcraft, on va s'intéresser cette fois-ci à Orgrimmar, et plus particulièrement au Fort Grommash. Alors pour vous situer un petit peu, dans la région de Durotar, dont le nom est un hommage à Durotan, le père de Thrall, on a une ville qui s'appelle Orgrimmar, dont le nom est un hommage à Orgrim, le chef de la Horde. Et bien dans cette ville, vous allez trouver un fort qui s'appelle Grommash, dont le nom est un hommage à Grom Hurlanfer. Il manque plus que la piste à tir Gul'dan et on a la totale. Ça ne m'amuse pas. Et donc le fort Grommash est un petit peu le centre administratif d'Orgrimmar, mais aussi de la Horde, puisque Thrall y reçoit de nombreux diplomates, de nombreux représentants des autres races ou factions. On a pu y voir Jaina notamment, Garrosh, le Magar, Sylvanas, la reine des réprouvés, Putressin aussi, l'apothicaire, le fourbe apothicaire, qui va jouer bien des tours à la Horde. C'est une espèce de salle d'audience où on peut venir présenter ses doléances à Thrall ou s'intéresser un petit peu à la gestion de la Horde. On peut y trouver des maîtres de classe, notamment des chamans ou des paladins depuis l'arrivée des elfes de sang dans la Horde. Et beaucoup de ces maîtres de classe ou des personnes présentes dans ce fort vous envoient régler différents problèmes dans d'autres régions. C'est là notamment qu'on commence la quête où l'on s'intéresse au totem sinistre, au marécage d'Aprefange, vous savez, là, autour de Terramort. Vous vous souvenez de cette quête? C'est une auberge qui a été brûlée apparemment par des hordeux. Et puis il y a un pilier à récupérer sur une cheminée, il me semble, c'est ça? Quelque chose comme ça, voilà. Et on découvre aussi que les totems sinistres sont alliés aux apothicaires réprouvés, par exemple. Voilà. Donc il y a des petits complots dans la Horde, comme ça, entre sous-factions, en fait. Alors, il faut remarquer aussi que les maîtres démonistes et voleurs ne sont pas les bienvenus dans cette partie de la ville, et qu'il faut aller dans la faille de l'ombre, au-dessus d'Orgrimmar, pour les trouver. Alors, il faut savoir aussi qu'Orgrimmar est une ville assez récente, c'est important de bien le comprendre, notamment pour les gens qui s'intéressent au roleplay, par contre là, qui écrivent des histoires d'orques nés à Orgrimmar, etc., etc. C'est pas possible, puisque Orgrimmar est une ville assez récente, qui a moins d'une dizaine d'années, et qui a été fondée un peu après la bataille au Mont Ijal. Les orques ont eu à se battre énormément pour s'imposer dans la région, ils ont eu à affronter les harpies, les elfes de la nuit, les hurins, et même les humains de Kul'Tiras. Jusqu'à la fondation de Orgrimmar, les orques n'étaient que des clans dispersés un petit peu partout dans les royaumes de l'Est, souvent des fugitifs, traqués. Un orque va réunir et réconcilier tous ces clans avec leur héritage chamanique, c'est Thrall. On va pas s'intéresser à lui pour cette chronique, mais vous pouvez découvrir son histoire dans le livre Le chef de la rébellion de Christy Golden, ou une partie de cette histoire dans les premières grottes du temps. Alors juste devant l'entrée de ce fort, il y a encore un autre symbole très important du rejet du passé de la Horde assoiffée de sang. On peut trouver sur un arbre la dépouille de Manoroth, le démon dont le sang avait corrompu les orques du temps de Gul'dan. Il a été tué par Grom, qui a racheté ses erreurs et libéré les siens à ce moment-là. Donc on va faire un petit tour des différents héros qu'on peut voir dans le fort Grommash. Il y a d'abord Etrig, qui est un guerrier orc qui a combattu dans l'ancienne Horde aux côtés de ses fils. Lorsque ses fils vont mourir, il va réaliser dans un premier temps que les orques sont devenus un peuple assoiffé de sang, où tous les chefs de clan luttent pour le pouvoir, et même où chaque orc lutte pour prendre la tête de son clan et de la Horde. Il va comprendre ensuite que la Horde est dirigée par Gul'dan et la Légion Ardente. Et donc il va s'exiler pour un temps dans les royaumes de Lord Aeron, et sa route va croiser celle de Tyrion Fordring, un paladin humain de la Main d'Argent. Alors les deux vétérans vont s'affronter, mais c'est un combat sans coup bas, où l'un et l'autre réalisent que son adversaire est un combattant valeureux et honorable. Heureusement pour eux, ils n'auront pas à terminer ce duel, puisque la violence de leur affrontement fait vaciller la vieille tour dans laquelle ils se trouvent, et elle va s'écraser sur eux. Etrigue va sauver la vie de Tyrion, et va le dégager des décombres de la vieille tour. Tyrion, le paladin, va donc se sentir redevable, et cette rencontre va même changer sa vision du peuple orc, puisque Etrigue va lui parler des traditions chamaniques des orques du temps de Draenor. Malheureusement, Etrigue va se faire capturer par l'armée de Stratholme, et Tyrion va tenter de le défendre, et se faire arrêter lui aussi. Il va être jugé, et on va considérer que Tyrion est un traître, puisque lui aussi s'en est pris à des humains, et on va le chasser de l'ordre des paladins. Il y a ton petit copain Uther qui va être mêlé à l'histoire, qui va pas être très... Enfin, il va pas jouer un rôle extraordinaire dans l'histoire, et ce qui confirme un petit peu la vision que j'ai d'Uther, de vieille saloperie. Surveillez votre langage, mon garçon. Ça se paiera. Voilà. Alors Tyrion va quand même se charger d'éponger sa dette d'honneur et va libérer Etrigue qui avait été condamné à mort. Un peu plus tard, ils vont rencontrer la nouvelle horde de Thrall. Ça représente beaucoup pour Etrigue puisqu'ils se rendent compte que les orques ont retrouvé le sens de l'honneur leur héritage chamanique. Etrigue va partir avec Thrall pour Kalimdor suite aux avertissements de ce fameux oracle. Je pense que vous avez tous vu ça dans le début de Warcraft 3. Et Tyrion, lui, va rester aux alentours de Stratholme pour pouvoir garder un œil sur ses fils et sa femme. Alors l'histoire de cette amitié ne s'arrête pas là, et je pense que tous ceux qui ont fait un Chevalier de la Mort hors d'eux ou qui ont visité le camp de la Croisade d'Argent à Zul'Drak se sont déjà aperçus. Voilà. Sinon, dans les autres personnages importants qu'on peut croiser dans ce fort gros match, il y a aussi Vol'jin. Alors Vol'jin est le fils de Sen'jin, c'était le chef de la tribu des Trolls Sombres Lances. Les Trolls Sombres Lances, c'est donc la faction troll qui est jouable. Donc à cause de la guerre entre clans trolls, les Sombres Lances avaient été forcés de se réfugier sur des petites îles qui sont au large de Strangleronce. Mais les humains de Kul'Tiras et les Murlocs avaient commencé à s'attaquer à eux. Et Sen'jin, donc, qui dirigeait cette tribu, avait eu une vision qui était celle d'un jeune orc, un chaman, qui sauverait sa tribu des Murlocs et des humains. Et il se trouve que quelques jours après cette vision, la flotte de Thrall, donc les bateaux qui se dirigeaient vers l'ouest, allait s'échouer sur les îles de la tribu Sombre Lance. Alors malheureusement pour Sen'jin, il va se faire capturer par les Murlocs et ils vont le sacrifier à une de leurs divinités. Mais il aura le temps de révéler sa vision à Thrall et à Vol'jin, son fils, avant de mourir. Thrall va donc accepter les trolls dans sa nouvelle horde. Et avec leur aide, il va réparer les bateaux et continuer son voyage vers l'ouest pour découvrir le continent de Kalimdor. Alors Sen'jin, c'est aussi le nom qui a été donné au village de Troy au sud de Durotar. Donc, le fils de Sen'jin, Vol'jin, a prêté allégeance à la Horde et il conseille et assiste Thrall maintenant et a prouvé à plusieurs reprises son attachement à la Horde et l'étendue de ses pouvoirs. Il a notamment des pouvoirs assez particuliers, inédits, qu'on n'avait pas vu jusqu'à là, comme par exemple le fait de pouvoir transformer les gens en Wyvern. Wyvern, je crois, c'est le terme. Vous voyez, c'est ça, Wyvern. Il a juste acheté le tome à Dalaran. Mais je sais pas si ça, on peut transformer les gens en Wyvern, mais lui, il avait fait avec Rexxar et puis l'équipe de Rexxar, en fait, du temps de la fondation d'Orgrimmar. Et voici le vaudou. On va s'éloigner un petit peu du fort gros match, et je vais vous parler de Gammon. Alors Gammon, j'étais très étonné parce que les Alliancieux ne le connaissent pas. Pour les Hordeux, c'est un des personnages incontournables de World of Warcraft. Et en fait, je pense que Gammon, c'est un petit peu l'équivalent de Augur ou Larder. Vous connaissez Augur ou Larder, peut-être ? Bah oui, bien sûr, mais j'ai joué Alliance au début. Ouais. Augur, Larder, il traîne dans la comté d'Elwynn. C'était un élite à l'époque qui terrorisait tous les bas niveaux parce qu'il leur tombait dessus et il était sans pitié. Et Gammon, c'est un petit peu le même principe, sauf que ça n'a jamais été un élite. Ça a toujours été un tauren level 12 qui était caché dans l'auberge. Il est hostile, donc vous pouvez l'attaquer à tout moment. On retrouve d'ailleurs assez souvent son cadavre dans les rues d'Orgrimmar. C'est quand même, je crois, le personnage le plus courageux d'Orgrimmar, ou peut-être le plus inconscient. Parce que lorsque les Chevaliers de la Mort se pointent en Orgrimmar pour aller saluer Thrall, le seul qui vous attaque, c'est Gammon. Alors vous êtes level 58, normalement. Gammon, lui, il est level... 12. Oui, il est level 12, donc c'est assez amusant de le voir vous mettre des claques et de dire Gammon va protéger Orgrimmar. Donc à la base, Gammon servait à une quête de voleurs. On devait lui faire les poches pour trouver une clé. Alors ce qui là où ça devient intéressant, c'est qu'on remettait cette clé à un orc qui appartient à la main brisée. La Gamme Brisée, c'est une faction d'orques, une faction hordeuse plutôt, qui est donc Orgrimmar et qui complote contre Thrall. On trouve d'autres factions du même type, notamment la Lame Ardente, qui est liée au Conseil des Ombres. Ils sont un petit peu les héritiers du Conseil des Ombres. Thrall les laisse pour l'instant exister parce qu'il espère pouvoir remonter la piste jusqu'au Conseil des Ombres et le détruire définitivement. Tu sais que t'as parlé de l'ardeur tout à l'heure, Ogre. Ouais. Et maintenant, dans les statistiques des hauts faits, tu sais que tu peux voir le nombre de fois où tu t'es fait tuer par l'ardeur. C'est vrai? Je te jure que c'est vrai. Par contre, il n'y a pas la même chose avec le nombre de fois où t'as tué Gammon, c'est dommage. C'est dommage, ouais, mais Gammon est vraiment sympathique, je trouve, comme personnage. Ça me fait mal au cœur à chaque fois qu'il se fait tuer. Je l'ai encore vu hier soir mourir. J'avais envie de dire au mec qui l'a tué, oh, écoute, ça se fait pas. Il faut savoir que Gammon pouvait, à l'époque, être contrôlé par des prêtres. Vous savez, le fameux mind control. Et il avait un pouvoir assez amusant qui était de pousser les joueurs. Et là où ça énervait beaucoup de joueurs, c'est qu'il pouvait désarçonner aussi les joueurs. Malheureusement, ça a été supprimé dans une des dernières mises à jour. Il y a un autre héros qui n'est pas tout à fait de Orgrimmar, mais qu'on a pu voir à Orgrimmar, c'est Garrosh. Garrosh Hurle-Enfer, donc le nom doit vous dire quelque chose, c'est le fils de Grom. C'est un Magar. Alors au début de Burning Crusade, on le retrouve à Nagran. Et c'est un jeune orc qui est un peu perdu, un peu paumé, accablé par les erreurs de son père. Bon, je reviens à ma tribu Magar. Alors, vous vous souvenez dans la chronique de Gul'dan, je vous avais expliqué que la Horde avait commencé à s'attaquer aux Draenei sur Draenor. Et il y a eu une épidémie, une espèce de vilaine varicelle. Et le corps de certains orcs avait commencé à se couvrir de pustules rougeâtres, du pu et du sang. Enfin bon, c'était pas très joli à voir. Et donc il y avait une certaine Geia, ou Geia, qui est la grand-mère de Thrall, et donc la mère du Rotan, qui avait donc rassemblé tous les malades, et ils se sont mis en quarantaine à Nagran, afin d'éviter de contaminer le reste de la Horde. Faut croire que les plus malades n'étaient pas ceux que l'on croyait, puisque les autres orques, qui eux sont restés exposés à la magie démoniaque, ont eu leur peau qui a tourné au vert. Donc, c'est pour ça que... on a des orques verts et des orques marrons. Les orques marrons sont en fait les orques originaux, les orques... pur en quelque sorte. Donc ce clan qui avait été mis en quarantaine, ce sont les Magars, et donc ce n'est pas vraiment un clan à proprement parler, c'est plutôt un rassemblement d'orques de différents clans, et parmi ces survivants, il y avait le fils de Grom, Grom Hurle-Enfer, qui s'appelle donc Garrosh, et Geia, la chef des Magars, l'a chargée de reprendre la tête du clan lorsqu'elle sera morte. Au début de Burning Crusade, de la Croisade Ardente, Garrosh est persuadé qu'il fera un très mauvais chef, parce qu'il ne connaît que très peu de choses de son père. Il sait juste que Grom a été le premier à boire le sang de Manoroth, donc le premier à s'offrir à la Légion Ardente, et Garrosh pense que fatalement il va reproduire les erreurs de son père, que son destin est déjà tout écrit et que donc il fera un très très mauvais chef. Donc à la réouverture de la Porte des Ténèbres, les Hordeux vont découvrir l'existence des Magars, et même Thrall va se rendre à Nagran pour les rencontrer et les accueillir dans la Horde. Donc Thrall va débarquer dans ce village, rencontrer sa grand-mère, ça c'est très émouvant. C'est un peu le Kunta Kinte de World of Warcraft. Donc Thrall va rencontrer Garrosh à ce moment-là, et il va lui raconter la partie la plus glorieuse de l'histoire de Grom. C'est pas le meurtre de Cenarius, quoique, c'est plutôt le dernier combat où il va se sacrifier pour tuer Manoroth et libérer ainsi tous les orques de la corruption démoniaque en quelque sorte. Garrosh va donc reprendre confiance en lui, il va relever la tête. Et l'ironie, c'est que du coup, il semblerait qu'il soit sur le point de reproduire les erreurs de son père. Il est hors de question pour lui de baisser la tête devant les forces de l'Alliance, devant les troupes de l'Alliance. Et donc un peu avant le débarquement en Orfandre, il s'en est même pris à Thrall, jugeant qu'il était un petit peu trop faible pour diriger la Horde. Qu'en cherchant absolument à faire la paix avec l'ennemi, donc l'Alliance, il ne faisait qu'humilier les orques, qu'embarrasser les orques. Et donc il a défié Thrall en duel. D'ailleurs, il était bien parti pour le gagner, et la seule chose qui a sauvé Thrall de l'humiliation, de la défaite, c'est l'attaque du fléau. Sur Orgrimmar, il y en a eu plusieurs, il y en a eu une pour la première sortie de Naxxramas, et une deuxième pour l'extension, la nouvelle extension. Oui, moi je me rappelle au port du Hurlevent surtout en fait. Enfin, côté Alliance, c'était Hurlevent. Ouais. T'avais des attaques de Weir, mais des attaques de. C'était des gros décousus, je crois, des trucs comme ça. Enfin, des abominations en fait. Ouais. Abominations, oui, recousus et Naxxramas. Voilà. Pour canaliser la colère de Garrosh, et peut-être un petit peu aussi pour l'éloigner de. Du trône, Thrall va l'envoyer batailler contre le fléau dans la toundra boréenne. Il y a un autre héros dont j'aimerais vous parler, du coup, qui est un peu le pendant de Garrosh, qui s'appelle Varrok Sorcro. Alors Varrok, c'est un vieux guerrier qui avait appartenu à l'ancienne Horde, ce qu'il a fait à cette époque-là le hante encore maintenant. Pour ceux qui ont lu La Guerre des Anciens, c'est aussi le frère de Brock Sigar. Il a été à la tête des forces de la Horde lors des événements en Silithus, l'ouverture des portes dans le Kirage. Vous avez entendu parler, j'imagine. Son fils, Sorcro le Jeune, Sorcro Junior, on l'appelle comme on veut, avait fait partie de ceux qui avaient été mis en quarantaine chez les Magars, donc il devait connaître Garrosh. Pendant le débarquement en Orphandre, Thrall va charger Sorcro de diriger les troupes d'élite des orques, les Corcrons, en Orphandre, avec Garrosh. Il faut savoir aussi que le fils de Sorcro va être tué par Arthas lors de l'attaque du portail du Kourou. On voit ça dans la cinématique, la mort de Bolvar aussi, dont on a parlé tout à l'heure, avec Telenil. Malgré la mort de son fils et la prise de Fossoyeuse suite à la trahison de Varimathras et des apothicaires réprouvés, Sorcro continue à soutenir Thrall. Il pense que la Horde a besoin d'un chef tel que lui, qui cherche des alternatives à la violence. Ça s'explique sûrement par les erreurs qu'il a pu commettre dans le passé, en suivant la Horde sanguinaire. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter la discussion qu'il a à ce sujet avec Garrosh, au bastion du champ de guerre, dans la toundra boréenne. Et puis le dernier héros dont je vais vous parler, c'est Nazgrel. C'est un chaman qui a servi sous les ordres de Orgrim, Marteau du Destin. Il a fait partie de ceux qui ont été internés dans les camps humains. Il a été libéré par Thrall et son armée d'orques. Il a aussi suivi Thrall en Kalimdor. Il a participé à la bataille d'Ijal contre la Légion Ardente. Il fait partie de ceux qui ne croient pas que la paix entre la Horde et l'Alliance est possible. Et il pense que la seule manière de faire cesser les persécutions de l'Alliance est de leur faire la guerre, en fait, de les battre militairement. Enfin, quelque chose qu'il faut que je précise, c'est que même s'il ne partage pas les visions de Thrall sur... l'entente Horde Alliance, il reste comme extrêmement fidèle à son chef de guerre et ne complote pas contre lui. Donc c'est, je pense que Thrall lui fait confiance, malgré tout, il connaît leur divergence d'opinion, mais il lui fait confiance, puisqu'il a chargé Nazgrel de la sécurité d'Orgrimmar lors de la fondation de la ville. Alors maintenant, on peut le trouver aux péninsules des Flammes Infernales. Il dirige l'avant-poste de Thralmar. Et puis, il y a un petit détail amusant, c'est que celui qui dirige l'Alliance, les forces de l'Alliance dans la même région, c'est Danad Trogmor, qui lui a été geôlier pendant un temps des camps d'internement orques. Voilà. Alors Nazgrel, puisqu'il fait partie de ces orques qui pensent que la paix avec l'Alliance n'est pas vraiment possible, il aura peut-être à choisir à un moment donné entre sa loyauté envers Thrall et sa soif de vengeance. J'espère que ce petit cours de géopolitique hordeuse vous a plu. On s'intéressait donc au fort Grommash, mais aussi aux différentes factions qui s'affrontent dans l'ombre. Et bah avec tout ça, bon courage Thrall. Hein. Et bah ce sera le mot de la fin. Merci Ludo. Tout de suite, on passe au dossier de Ludo sur les podcasts. Alors moi j'aimerais vous parler de tous les podcasts qui tournent autour de World of Warcraft, parce que c'est vrai que maintenant on commence à être... une petite quantité en fait de podcasts et on ne traite pas forcément tous de la même chose. C'est pas forcément pour trop rentrer dans les détails, c'est juste pour vous dire qu'ils existent et que ça peut être bien également de votre côté que vous alliez les écouter parce que ça peut vous apporter d'autres choses. Et puis c'est aussi l'occasion de découvrir d'autres sensibilités et d'autres manières de jouer. Alors le premier podcast, je pense que celui-là tout le monde le connaît, c'est Azeroth.fr, c'est un peu le papa des podcasts de World of Warcraft en France. Donc tous les mois on retrouve Patrick, Daniel et Nat pour un résumé des news, que ce soit au niveau francophone ou américain. Ils présentent également leur coup de cœur, leur coup de gueule sur les différents aspects du jeu. On retrouve une partie histoire. Alors Brock aussi, il m'a fait remarquer tout à l'heure qu'Azeroth.fr était officiellement en fait reconnu par Blizzard. C'est ça, Brock ? Un site de fans officiel de Blizzard Europe. Oui, c'est le seul. D'ailleurs, le seul podcast reconnu officiellement par Blizzard. Écoute, dès le deuxième épisode, il reçoit Aguilar, il me semble. C'est le 5, hein, il me semble, non ? Non, oui, épisode 2 et 5. D'accord, ok. Je connais par cœur. Hein. Donc voilà. Et l'autre chose aussi qui est un petit plus au niveau d'Azeroth.fr, c'est que Patrick en fait, est souvent convié par Blizzard à participer aux différents salons qu'ils organisent, donc que ce soit la BlizzCon ou la WWI, je crois qu'il y a deux ou trois autres salons comme ça au cours de l'année. Et en fait, ça nous permet justement pour ces événements d'avoir des épisodes d'Azeroth.fr en direct, donc directement sur les salons. Et donc là, vous avez l'ambiance, vous avez parfois des fans qui participent. Et donc je vous recommande vivement, et c'est assez détendu, l'atmosphère, on rigole pas mal. Alors nous avons ensuite Bande de Noobs. Donc Bande de Noobs, c'est Yann et toute sa bande qui parle de l'actualité de World of Warcraft. Vous pouvez retrouver dedans des chroniques assez sympas. Il y a également le dossier du mois où là il traite d'un sujet à fond. Ça peut vous permettre de découvrir certaines choses, comment se faire de l'argent facilement. Il y avait également des dossiers sur les gold farmers. Bah, je voulais juste parler de faire une petite parenthèse pour Bande de Noobs. Dans leur dernière émission, je crois, ils nous ont salués ou accueillis plutôt dans la grande famille des podcasts de World of Warcraft. Et moi j'avais été très touché. Voilà, donc on les remercie pour cet accueil sympathique. Enfin, c'était Yann en tout cas dans une de ses chroniques. Ouais, effectivement. Ah, merci Yann. Merci beaucoup Yann. Ouais. Je trouve que le dernier épisode était vraiment sympathique. Ils ont recruté deux nouveaux chroniqueurs qui sont Rudy et Dyrène. Donc là, qui viennent s'ajouter à Yann, Jean-Yves et Riva. Et ça donne un mélange assez explosif en fait. Très bonne ambiance, des sujets bien approfondis, bien expliqués, bien détaillés. C'est un bon podcast également que je vous conseille. Par contre, au niveau de la parution, au dernier épisode, ils ont annoncé que ce serait plus de façon mensuelle, mais ils sortiront un épisode quand ils auraient quelque chose à dire. Ensuite, un petit nouveau qui est apparu il n'y a pas longtemps, donc c'est le comptoir d'Ashara, avec une partie de l'équipe qui faisait Citadel, pour ceux qui ont connu. Donc le comptoir d'Ashara, c'est un podcast qui est sorti donc le mois dernier. Ils sont deux pour l'instant, ils seront trois pour le deuxième épisode, d'après ce qu'ils nous ont annoncé. Voilà, c'est des petits guides et des petites aides dont on peut avoir besoin en jeu. Et donc, à toute l'équipe du comptoir d'Ashara, on vous souhaite la bienvenue dans le petit monde des podcasts. Ensuite, pour les plus hardcore d'entre nous, il y a Wotist. Là où on va dire que Kazeroth.fr, Bande de Noobs et même nous, on essaie d'éviter les anglicismes. Wotist, eux, ils l'ont dit clairement dès le début, ils vont utiliser des mots qu'on rencontre souvent en jeu, donc soit enfin, des mots, on va dire, de gamer entre guillemets, et c'est plutôt réservé à un public averti dans le sens où ben, on a déjà un peu l'habitude de ce genre de mots à les utiliser, ou on les comprend surtout. Et donc là en fait c'est plutôt orienté raid de haut niveau, ça discute un peu, en fait on dirait deux potes en fait qui discutent entre eux de Warcraft en fait, avec une petite section qui est les souvenirs, donc là ils parlent des vieux patchs, ça c'est assez sympa. Moi c'est mes petits chouchous les autistes parce que ce sont des Suisses. Moi je viens d'une région française mais qui est à côté de la Suisse et donc leur accent c'est comme une caresse sur mon corps nu. J'adore. Tu vas couper ça au montage aussi ? Non pas du tout. J'adore ça et d'ailleurs les autistes, si vous passez sur Paris, amenez-moi des saucisses de veau, je raffole. C'est introuvable en France, je tiens à vous le dire. C'est une grande source d'inspiration pour Brock. Ah non mais moi je comprends rien à ce qu'il raconte de toute façon parce que je suis absolument pas un hardcore gamer. Ah oui, Wotist, le podcast pour ceux qui aiment les saucisses. C'est ça. Non mais c'est le Rusty aussi, mais non mais il n'y a pas que ça, ça fait partie du charme du podcast pour moi, c'est l'accent suisse aussi et puis l'intonation suisse et les expressions suisses, voilà. Bah, j'écouterai pour moi. Ils en sont leur deuxième épisode, donc on va dire qu'ils sont relativement... Enfin, ils sont jeunes aussi. Enfin, nous, on n'est pas très vieux non plus, on fait le quatrième épisode. Donc, eux, ça fait 2 mois qu'ils ont commencé, donc je vous le conseille également parce que c'est assez intéressant. Alors, un autre podcast, c'est WoWanex. En fait, c'est un petit podcast qui dure environ 10 à 15 minutes. Enfin, plutôt entre 5 et 15 minutes, on va dire. Et ils parlent en fait de l'actualité de World of Warcraft de façon hebdomadaire. Donc c'est juste pour les petites news, si vous voulez vous tenir au courant, évitez d'attendre un mois que les autres podcasts y sortent, vous pouvez vous diriger vers celui-là ici. C'est hebdomadaire et ça dure pas plus d'un quart d'heure. Alors un autre podcast qui est lui totalement différent de ceux qu'on peut entendre qui sont plutôt sérieux, c'est le podcast en quelque sorte décalé. Donc c'est World of Week. Ils ont fait un premier épisode, d'ailleurs ce serait cool qu'ils en sortent un autre parce que le premier, au niveau du montage, il y a un énorme boulot qui a été fait, j'ai vraiment été bluffé par ça. C'est un podcast plutôt comique qui va en quelque sorte détourner l'univers de Warcraft. Imaginez les 2 minutes du peuple qui parlerait de World of Warcraft et vous avez World of Week, voilà. Le premier épisode est sorti le 1er avril. En plus, alors, je pense qu'ils étaient peut-être fait exprès. Mais là, j'attends avec impatience le deuxième épisode. Rien que pour le boulot qui a été fait au niveau du montage, franchement, allez l'écouter, parce que celui-là, impressionnant. World of Week qui sont des Suisses aussi. Voilà. Et aussi, ils sortent des Suisses. Et ils caressent Brock, etc. Vos World of Week, si vous passez à Paris, n'hésitez pas à me donner des saucisses de veau aussi, ça me ferait vraiment plaisir. Ouais. Donc, si vous voulez donner des sensations à Brock, sortez vos podcasts plus tôt et sortez vos saucisses. Ouais. Ça lui donne beaucoup de sensations, ouais. Alors l'autre podcast, enfin un autre podcast, c'est toi Bro qui m'en a parlé, c'est Radio Bélier. Radio Bélier, il y a eu que deux épisodes, donc le dernier est sorti en août 2008, si je dis pas de bêtises. Et donc en fait Radio Bélier c'était plutôt le podcast du serveur des Sentinelles, donc il traitait de l'actualité du classement PVE et PVP des Sentinelles. Il y a eu, alors je sais pas pourquoi ils ont arrêté, est-ce que ça représentait trop de boulot ou est-ce que les gens ont été méchants avec eux, je sais pas. Mais c'était sympa, j'aimais bien le nom déjà. Vous parlez exclusivement des Sentinelles ? Ça parlait exclusivement des Sentinelles, je crois, oui. Je t'avoue que ça commence un peu à dater, donc je me souviens plus de tout le contenu. Mais il y avait un joli petit site, il y avait plein de trucs, c'était sympa. Voilà, où est-ce que vous êtes, les gars ? Donnez-nous des nouvelles, ça nous ferait plaisir. Je crois qu'il y avait un des types de Radio Bélier qui s'appelait Cadmos, qui jouait un druide tauren. Tu le connais, Cadmos ? Ah bonjour, ouais. Ouais, bah Cadmus c'était mon esclave, je l'avais racheté pour 2 pièces de cuivre je crois, donc il est à moi, c'est ma propriété, et ça fait quelques temps que je l'ai pas revu, donc s'il pouvait se manifester et refaire mes 4 volontés, ça me ferait vraiment plaisir, voilà. Et s'il pouvait revenir avec un plateau de saucisses de Suisse En plus, ça, effectivement, Cadmus, si tu m'entends mon goret, tu vas tout de suite en Suisse, tu me ramènes des saucisses de veau, merci. Et le dernier podcast, en fait, c'est le podcast officiel, c'est le BlizzCast, qui traite de l'actualité des licences de Blizzard. Donc à savoir, actuellement, c'est Warcraft, Diablo et Starcraft. Alors, on n'apprend pas forcément des nouvelles choses, dans le sens, il n'y a pas des informations exclusives. C'est plus des interviews, par exemple, comment s'est passée la création de telle ou telle instance, les petites anecdotes en interne. Donc, vous n'aurez pas d'informations exclusives. Et une autre chose importante à savoir, c'est qu'il est uniquement en anglais. Donc le son est en anglais, et vous pouvez avoir une traduction en français sur le site, mais là c'est à l'écrit. Si vous voulez entendre les voix des créateurs de World of Warcraft, c'est intéressant aussi. Puis, voilà, c'est sympa, mais vous attendez pas à avoir la révélation en l'écoutant. C'est juste des petites anecdotes de développeurs, et je pense que c'est toujours sympa à écouter, si vous êtes anglophone. Vous retrouverez dans les notes de l'émission donc, les adresses web de tous les sites. Pour finir, je pense que la meilleure façon de se faire sa propre opinion, c'est justement d'aller les écouter. Comme ça, vous saurez à quoi vous en tenir et vous saurez si ça vous plaît ou pas. Et n'hésitez pas à laisser un petit mot, c'est toujours apprécié. Et tout de suite, nous allons passer à la partie Pierre de Foyer. On commence cette partie Pierre de Foyer avec une excellente nouvelle. C'est le retour de Callahan et le fusil magique. C'est donc le 3e épisode des aventures de Steve Austin. Il y avait eu une grosse pause pendant un moment. Et donc ouais. Là, ils sont partis pour un tour. Voilà, donc une nouvelle série d'épisodes qui arrive. Avec Vincent Maclès au dessin et toujours Grégory Maclès au scénario. Et je pense qu'on est parti pour de bonnes aventures encore. Avec un souffle épique. Et puis quelques gaz, j'espère. Derrière tout ça. Voilà. D'accord. C'est Grégory Maclès qu'il dessine ou c'est Callahan ? Non, c'est son cousin. Callahan en jeu. Vincent Maclès, donc c'est son cousin. Ok. C'est pas lui qui couchait avec son instructeur ? C'est ça, voilà, exactement. Ensuite, je vais vous parler de Fanelia du Kirin Tor, qui a posté sur le forum événements et créations une galerie de personnages, des dessins de roleplayers du Kirin Tor. Elle a un joli coup de crayon, ça risque de vous plaire. Voilà. Ensuite, je vais vous parler d'un petit texte qui, à mon avis, va beaucoup plaire à Amandine, qui est fan d'Uther et d'Arthas. C'est une histoire de paladin velu. C'est un texte qui a bientôt 2 ans, qui a été posté sur le forum jeu de rôle de World of Warcraft. Et donc, on y apprend que Uther était très très proche, très très très très proche d'Arthas. Brokeback Mountain a apporté un nouvel éclairage sur... les cow-boys, et bien je pense qu'après avoir lu une histoire de paladin velu, vous ne pourrez plus jamais regarder Uther et Arthas de la même manière. Et puis ensuite, on a l'interview du mois, donc ce coup-ci c'est Olibit. Peut-être que vous connaissez Olibit pour ses Machinima, la série des Never Stay Tuned, qui a remporté un grand succès sur YouTube. J'ai donc eu le plaisir d'interviewer le gnome mage le plus célèbre d'Azeroth. Voilà, ça dure 15 minutes, et il nous parle de ses Machinima et de ses prochains projets. C'est parti! Bonjour Olibit. Bonjour Brock. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ouais, mais ça va. On est parti pour une interview de folie, j'espère. Eh ben écoute, volontiers, moi je suis prêt en tout cas. Est-ce que tu peux nous raconter comment l'aventure des Machinima a commencé pour toi? Bah écoute, ça a commencé quand j'ai eu un PC en fait, parce qu'avant je jouais sur Macintosh et très vite mon Macintosh a pas réussi à suivre Warcraft, surtout quand j'ai commencé à faire des raids à 40. Donc j'étais obligé de m'acheter un PC et en même temps que j'ai acheté le PC, bah j'ai découvert des logiciels auxquels on n'avait pas accès quand on utilise un Mac. Donc là j'ai découvert qu'il y avait un logiciel qui permettait de faire de la saisie, de la capture vidéo qui s'appelait Fraps. Et un soir où j'avais pas grand chose à faire, à vrai dire, j'ai commencé à faire une vidéo à partir d'une musique qui est The Urban Spaceman. Et à partir de cette vidéo-là, que j'ai fait en une soirée en fait, ça a eu pas mal de succès auprès des gens de ma guilde. Ça s'est ensuite un petit peu diffusé à gauche à droite. Et puis ça m'a donné envie de continuer parce que je me suis aperçu qu'on pouvait avec pas grand-chose faire des petits films sympas sans avoir énormément de matériel et sans avoir énormément de temps devant soi. Moi j'ai toujours été étonné quand j'ai eu des sites comme le site officiel de Blizzard qui parlait de mes vidéos. Au départ j'étais persuadé que la seule chose que je pouvais obtenir en faisant ce genre de vidéos c'était des problèmes. J'imaginais pas une seconde qu'ils allaient promouvoir mes vidéos qui sont complètement dehors de l'imagerie du jeu, qui racontent absolument pas l'histoire de Warcraft. Et quand j'ai vu qu'ils appréciaient et qu'ils commençaient à en parler, j'avoue que j'étais très très surpris, je m'attendais vraiment pas à ça. Tu avais accordé une interview à Blizzard en 2007. Oui. Donc on peut voir sur le forum événements et créations. Et tu avais parlé de certains gags borderline, en tout cas, qui étaient bien accueillis en France. Mais par contre, ces gags avaient choqué à l'étranger. C'était quel genre de gag ? Je pense que ce qui a le plus choqué, c'est l'utilisation de gnomes, l'utilisation que je fais des gnomes où ils sont souvent à poil, ils font souvent des bêtises entre eux. Et pour beaucoup de gens, les gnomes, ce sont des enfants. Voilà, ils voient un truc petit et pour eux c'est des gosses et automatiquement ça devient tout de suite malsain. Alors que moi quand je vois des petits personnages qui ont un petit regard malicieux, mais je vois pas des enfants. Et je crois que c'est surtout là-dessus que j'ai eu le plus de remarques en fait au début, puis ça s'est calmé petit à petit. Et après l'utilisation d'un vocabulaire assez cru, le fait de dire fuck dans une vidéo, on croirait pas comme ça, mais ça suffit à avoir un bon paquet de commentaires qui regrettent qu'on ait pu dire ça. Voilà, il y a pas mal de choses qui diffèrent, mais enfin dans l'ensemble j'essaye de pas y penser. Je vais vers ce qui moi me fait rire. J'essaye de m'arrêter un petit peu avant que ça me fasse plus rire pour essayer de choquer le moins de gens possible, mais à partir de là c'est tout ce que je m'impose comme règle. Et sinon, la nudité, les scènes de sexe, tout ça, ça. Il y a un poupée gonflable naine, t'as pas eu des grands retours aussi dessus ? Eh ben bizarrement, quand j'ai fait le sex junkie, je me disais que là j'allais me faire assassiner de partout. Et en fait, il y avait une espèce de transparence dans la vidéo, c'est-à-dire que le titre en lui-même évoquait déjà pas mal de choses. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont abstenus de la regarder, et d'ailleurs tant mieux. Et ce qui m'a empêché d'avoir des réflexions pour le sex junkie, j'ai été très tranquille, ça a choqué personne. J'ai eu la plupart du temps des gens qui ont été heureusement surpris, qui ont trouvé ça très drôle et qui ont encore plus apprécié le fait que ce soit en français. Je pense que la même chose en anglais, ça serait peut-être moins bien passé. En plus, Gautner peut te remercier parce que tu le fais découvrir, enfin tu l'exportes carrément, tu le vends à l'étranger. Et pour le moment, il n'y a pas eu de souci. Je sais que tous les gens qui me demandent de leur envoyer le MP3, tout ça, je les balance directement sur le site de Gautner ou je les envoie sur la iTunes de la boutique. J'espère qu'il le prend bien, oui, parce que c'est souvent les maisons de disques ou les auteurs qui font sauter les vidéos sur les sites et qui demandent que les vidéos sautent. Et a priori, celle-là, ça le dérange pas trop. Et c'est vrai que il a dû s'exporter un petit peu avec cette vidéo, ouais, je crois. Beaucoup de machinima sont créés à partir du moteur 3D de World of Warcraft. Quel est son intérêt ? Il y en a plusieurs. Moi, en ce qui me concerne, c'est surtout le côté cartoon, c'est-à-dire ça ressemble à un dessin animé, les personnages sont caricaturés. Je me verrais pas faire une machinima avec les Sims ou avec Counter-Strike, par exemple. Là déjà, dès le départ, il y a implicitement de l'humour dans la façon dont les personnages sont designés. Donc moi, ça me permet d'aborder des thèmes un peu tabous, un peu dérangeants plus facilement. Et je pense que si ça a autant de succès dans le monde du machinima en général, c'est que l'univers est très très riche, c'est qu'on a accès à des logiciels comme le WoModel Viewer, qui est un logiciel qui permet d'aller fouiller dans les datas du jeu pour en extraire les objets, en extraire les décors. Et on a un monde entier à disponibilité. C'est très très riche. Je vois pas de jeu à l'heure actuelle qui comporte autant d'objets d'ailleurs designés chacun de façon cartoon et façon drôle avec des animations intéressantes. Il y a vraiment une énorme richesse graphique dans Warcraft qu'on a du mal à retrouver ailleurs. Et est-ce qu'il y a des limites à ce moteur, par contre ? Les limites, elles viennent surtout du fait que, comme c'est un MMO, Le jeu est très bridé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas possibilité de le faire tourner avec des mods ou avec des patchs particuliers qui permettraient d'avoir des mouvements de caméra, de scripter les caméras, ce genre de choses. Donc c'est à ce niveau-là en fait qu'on est freiné sur Warcraft par rapport à d'autres jeux, c'est qu'il est, on peut pas faire ce qu'on veut à l'intérieur du jeu en lui-même. Et on est toujours en attente d'outils pour faire des machinima. Alors il semblerait que Blizzard ait pas trop envie de nous faciliter les choses. Dans le sens où s'ils créent eux-mêmes des logiciels ou des facilités, ils pourraient devenir, d'un point de vue législatif, plus ou moins responsables de ce qu'on fait. C'est ce que j'ai cru comprendre, en fait. Donc, ça serait la raison pour laquelle ils nous laissent nous dépatouiller avec les logiciels qui sont faits à gauche, à droite, par des gens qui sont des programmeurs amateurs, et donc des logiciels qui sont buggés, qui sont faits, qui mettent du temps à être réalisés. Donc pour l'instant, il semblerait que Blizzard n'ait pas envie d'assumer nos créations, on va dire. Ils sont bien contents de la publicité gratuite, mais ils n'ont pas spécialement envie d'assumer nos dérapages. Est-ce qu'il y a d'autres moteurs qui t'intéressent, d'autres moteurs de jeu qui sont intéressants ou inspirants? Alors il y a des moteurs qui sont intéressants surtout pour les décors, c'est-à-dire qu'il y a des décors qu'on trouve pas malgré tout, malgré la richesse de l'univers dans Warcraft. Je pense surtout à tout ce qui est univers futuriste, à tout ce qui est ville, mégapole, ce genre de choses. Donc ça, on peut réussir à le trouver dans des jeux, dans des FPS par exemple, dans des jeux comme Unreal où il y a énormément de gens qui ont créé des décors. Donc là, ça peut être intéressant. Il y a Baron Sousdon qui lui utilise beaucoup ses autres jeux comme décor. Sinon, à part ça, moi, je trouve mon compte dans Warcraft. Hein. Je pourrais très bien. Il m'arrive parfois d'utiliser d'autres moteurs de jeu pour faire certains décors, comme j'avais pu faire dans ma vidéo Tunasushi pour avoir des décors japonais. J'avais utilisé les moteurs d'Unreal. Mais en dehors de ça, le monde de Warcraft me suffit largement. Quel a été l'effet ou la scène la plus compliquée à réaliser de tes machinima? Eh bien, en fait, c'est ce qui me motive à avancer. En fait, c'est que j'apprends énormément de choses au fur et à mesure. J'essaye à chaque fois d'utiliser de nouveaux logiciels, de nouvelles techniques. Et les scènes les plus difficiles, c'est toujours les suivantes, en fait, hein, parce que les choses se complexifient petit à petit, de plus en plus. Et il y avait la première grosse scène difficile que j'ai faite, c'était dans la vidéo des Beatles, où il y avait une espèce de scène kaléidoscopique avec des femmes qui marchent de dos et Olibit au milieu. Là, j'avais dû mettre, je pense, 3 jours pour faire une scène de 10 secondes à peu près, enfin 3 jours, pas en entier de travail, mais 3 soirées, on va dire, pour faire cette scène-là, et ça m'avait paru complètement hallucinant. Les scènes se complexifient de plus en plus, et en plus, j'ai tendance à aimer ça, complexifier, en rajouter, et refaire des fois. Là, par exemple, maintenant, je commence à créer des décors en fausse 3D, c'est-à-dire que je vais choper des textures dans le jeu, je les applique sur des calques, je mets ensuite ces calques en 3D, je mets les personnages en 2D à l'intérieur, j'ajoute des éclairages, je fais des mouvements de caméra, les mouvements des personnages. Enfin, au bout d'un moment, ça devient quelque chose d'assez lourd à gérer comparé à ce que je faisais au début. Enfin, j'ai essayé pas mal de choses. Comme j'ai eu un nouveau PC, parce que le PC que j'ai gagné avec le concours de la WWI de Blizzard, ça m'a permis d'aller tester d'autres logiciels, parce qu'avant j'avais un vieux PC à la maison et j'étais assez limité. Donc là maintenant je suis plus trop limité par le matériel, c'est le temps maintenant qui me limite. La vidéo qui t'a permis de gagner, c'est Bountiful Chest, c'est ça? Voilà, tout à fait, c'est Bountiful Chest que j'avais fait spécialement pour le concours, c'est-à-dire j'avais fait bien attention de ne pas utiliser de technique interdite, j'avais fait bien attention d'utiliser les musiques du jeu. Enfin, c'est tout un truc, mais j'ai quand même réussi à placer une paire de seins à peu près toutes les 10 secondes. D'accord. Comme quoi, ils ont quand même de l'humour, ils sont pas si coincés que ça, c'est bizarre. Enfin... Non, je pense pas. Ils avaient le choix entre cette vidéo-là et une vidéo qui avait comme thème principal le suicide. Je crois qu'ils ont préféré la mienne. Je crois que tu as eu une petite surprise avec la nouvelle extension. Est-ce que tu peux nous parler de Awilo Ogamba? À Willow, on le trouve à Dalaran, dans la partie Horde de Dalaran, ce qui fait que d'ailleurs j'ai eu du mal à aller le voir pendant un bon moment. Il est maître cuisinier et c'est un mangeur de gnomes, c'est un gourmet. Il aime les gnomes et il aime les cuisiner. D'accord, et c'était un personnage de départ d'une de tes Machinima, donc Never Stay Tuned, c'est ça? Il apparaît dans... Voilà, c'est celui qui faisait l'intro des trois premiers Never Stay Tuned. Je dis des trois premiers parce que dans le quatrième, il va avoir un autre rôle que ça. Et il était dans sa cuisine, dans le premier Never Stay Tuned, il était dans sa cuisine, il expliquait que comment cuisiner un gnome, et il expliquait qu'un gnome décapité, a priori, on peut considérer qu'il est mort. Dans le deuxième, il expliquait comment les attraper avec un piège. Alors, il suffit de mettre un gadget quelconque, ça va automatiquement attirer les gnomes avec un bouton qui déclenche une explosion, et comme ça, ça permet directement d'avoir le gnome tout cuit. Et un bouton. Ouais, bah, ça a été une énorme surprise. On m'a annoncé qu'ils avaient foutu mon troll dans le jeu. Alors au départ, j'ai pas trop cru. Et là, j'ai mis énormément de temps à réaliser ça, quoi. J'étais très très content d'avoir réussi à implanter un personnage que j'avais créé à l'intérieur du jeu. C'était presque un rêve, quoi. J'ai eu du mal à y croire jusqu'au moment où j'ai réussi à me déplacer jusqu'à l'endroit précis où il était et où j'ai dû passer une heure à tout regarder dans tous les coins, à l'observer de près. Enfin, c'est assez jouissif, ça fait vraiment plaisir. C'est un super cadeau qu'ils m'ont fait. Alors, je sais pas trop qui l'a fait, ce cadeau. Je sais pas si c'est remonté assez haut dans Blizzard ou si c'est juste le clin d'œil d'une personne ou deux qui ont réussi à le caser. Mais en tout cas, ça m'a fait très plaisir. Je sais absolument pas d'où ça vient, par contre. Et est-ce que tes Machinima t'ont aidé professionnellement? Alors, le travail que j'ai à l'heure actuelle, le jour où j'ai perdu mon travail il y a 2 ans, j'ai posté un petit message sur mon blog en disant que s'il y avait qui que ce soit intéressé par ce que je savais faire, ça m'intéresserait. Et il s'est trouvé que mon actuel patron est un joueur de Warcraft, qui m'a contacté, qui m'a dit qu'il était dans la région, dans la même région que moi, et que je pouvais toujours venir faire un tour si ça l'intéressait. Lui, il cherchait des graphistes. Donc, comme à la base, je suis illustrateur, dessinateur, ça m'a permis de rentrer en contact avec ce boss. Et à l'heure actuelle, d'ailleurs, je commence à travailler pour eux sur des vidéos faites dans After Effects, sur des présentations vidéo, ce genre de choses. Donc oui, ça m'a carrément aidé pour mon boulot. L'intérêt de la Machinima, c'est que petit à petit, ça t'amène à utiliser des logiciels professionnels et des techniques professionnelles. Est-ce que le genre des Machinima est respecté dans l'animation ou dans le graphisme? Non, je pense qu'il n'est pas connu pour l'instant. Les gens voient ça comme un hobby de geek. C'est juste, c'est des geeks qui, quand ils ont plus aucun jeu qui les intéresse, ils se mettent à faire ça. Non, c'est pas tellement respecté, c'est pas tellement connu. Par contre, c'est assez jalousé. Surtout celles faites sur World of Warcraft ont quand même une belle audience et un bon public. C'est-à-dire que quelqu'un qui va faire ses petites animations sur Flash et qui va les mettre sur YouTube, il va avoir beaucoup plus de mal à obtenir une audience que quelqu'un qui va faire une Machinima Warcraft. Vu le nombre de gens qui sont intéressés par le jeu et les 11 millions d'abonnés, si ce n'est plus à l'heure actuelle. Je sais pas si tu as fait la Désolation des Dragons, tu as une quête à la fin qui te débloque oui. Une espèce de Machinima. Oui, ça c'est le grand espoir de tout le monde, c'est de voir des Machinima se déclencher petit à petit quand on commence à faire des quêtes comme justement il y a eu dans la Désolation des Dragons. Si Blizzard se mettait du jour au lendemain à vouloir de plus en plus de cinématiques à base de Machinima, il y aurait peut-être du travail pour toute cette meute de machinimistes qui à l'heure actuelle font ça de façon bénévole en y passant des heures. C'est vrai que dans l'absolu, on aimerait tous pouvoir un jour faire de la cinématique, faire ce genre de choses, utiliser des moteurs de jeu pour servir le jeu et le scénario en lui-même, c'est clair. Tu nous as parlé de Never Stay Tuned 4, est-ce que c'est le prochain projet qu'on va voir sur le net ou est-ce qu'il y en a un autre avant? Ah non, il n'y en aura pas d'autre avant, là celui-là est sur le feu, il avance progressivement, je ne dois pas être loin de la moitié à l'heure actuelle. Alors j'ai des invités qui vont participer, qui vont m'amener des petites séquences eux aussi. Une fois que j'aurai tout ça, je devrais être aux alentours de 60%, on va dire, de Never Stay Tuned. D'ailleurs, je vais en profiter pour faire une scène entièrement en français dans Never Stay Tuned. Ça va être une parodie des experts. Et les experts vont tous être des gnomes qui enquêtent sur la mort d'un elfe de sang. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez différent des précédents, c'est-à-dire dans les précédents j'étais revenu à peu près à chaque fois sur les mêmes idées, j'avais fait des clins d'œil aux précédents en fait, je me mordais un petit peu la queue, ça partait un petit peu en boucle. Là cette fois-ci j'ai décidé de sortir de la boucle, alors je pense qu'il y a des gens qui vont être déçus parce qu'ils retrouveront pas les séquences habituelles qu'il y avait dans les trois précédents, mais ils retrouveront certains personnages et j'ai essayé de créer des nouvelles chaînes, de partir dans un autre zapping. Et résultat, au bout du compte, il est beaucoup plus politiquement incorrect que les trois premiers. Et je pense que je vais avoir pas mal de débats avec celui-là. Et ben on a hâte de voir ça. J'en ai une autre qui va s'enchaîner directement après, qui sera une vidéo musicale des VRP. Pour ceux qui connaissent, ça sera aujourd'hui, c'est dimanche. Voilà, donc ça risque d'être une fois de plus encore salé, très salé. Mais écoute, excellente soirée, en tout cas merci encore et bon courage pour la suite, et puis on attend avec impatience tes prochaines vidéos. Ben, je te remercie, j'espère que je décevrai personne et que je vais pouvoir continuer longtemps à faire mes petits films. A très bientôt alors, merci encore. A bientôt, bonne soirée. Salut. Ciao. Vous pouvez donc retrouver toutes les vidéos d'Olibit sur son blog, dont on mettra l'adresse dans les notes du podcast. Et puis pour terminer, j'aimerais vous parler de la page personnelle, enfin du site web de Eric Azagouri, qui est le dessinateur des MJ ou aussi de Dark Age of Azeroth. C'est une galerie d'art, donc il faut faire défiler la page, non pas du haut vers le bas, mais de la gauche vers la droite. Ah, c'est le premier site que je vois qui est fait comme ça. Ah, c'est pas mal comme c'est fait. Donc on voit toutes les œuvres, les différentes facettes du travail d'Eric. Et puis il y a des contenus bonus, par exemple si vous cliquez, vous voyez l'hôtesse qui est tout à droite. Tout à droite vous avez une hôtesse qui vous salue. Si vous cliquez sur ces globes, sur ces parties charnues, vous avez par exemple un contenu bonus, n'hésitez pas à le faire. C'est pas mal. Donc il y a plusieurs contenus bonus comme ça, n'hésitez pas à faire glisser votre curseur sur les différentes zone de la galerie. Il y a pas mal de trucs à trouver, des petites surprises, notamment la BDMJ et puis d'autres bandes dessinées inédites d'Eric. Pour finir cette partie Pierre de Foyer, je voulais faire un appel aux talents musicaux. Alors justement, j'ai parlé un petit peu du podcast de Botaku avec Eric, il m'avait dit mais qu'est-ce que c'est la musique en fond? Ça fait un petit peu Bobby a oublié d'éteindre son Winamp, ça me fait beaucoup rire comme formule. C'est vrai que les musiques qui accompagnent les chroniques ne sont pas toujours liées à World of Warcraft, on a même plutôt des chansons... diverses et variées quoi. On a plutôt... Oui, c'est ça. Et donc, moi je m'étais dit que ça pouvait être l'occasion de faire parler de joueurs de World of Warcraft qui auraient leur petit groupe de musique et qui pourraient nous envoyer certains morceaux avec un petit mot qui dit j'autorise Botaku à utiliser un morceau de musique. Alors on vous promet pas toujours de les mettre dans l'émission parce qu'il y a certaines chansons qui passent assez mal en fond sonore curieusement, mais si la chanson s'y prête, on les mettra en fond sonore et puis on précisera à la fin de l'émission ou bien pendant qu'elle passe que c'est une chanson de ce groupe là, voilà, on présentera le groupe un petit peu. On les mettra aussi dans les notes du podcast, ce sera avec éventuellement un lien vers votre site, si vous en avez un. Voilà, c'est l'idée. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des morceaux, donc des MP3 plutôt, si vous avez plusieurs chansons, n'hésitez pas aussi à nous laisser le choix, donc à envoyer plusieurs chansons. Et puis on mettra ça dans l'émission, donc, amis musiciens, amis joueurs, amis musiciens, n'hésitez pas à nous envoyer vos musiques, contact@votaku.fr. Et c'est tout pour ce mois-ci. Tiens, et si on passait à la partie add-on? Excellente idée, Ludo. Vous êtes adorable. Alors Ludo, de quel add-on vas-tu nous parler ce mois-ci? Alors en fait, je pensais qu'il serait bien de parler de Smart Buff. C'est un add-on en fait qui va gérer les buffs. Ce qu'on entend par buff, ce sont les améliorations. Donc l'avantage c'est que c'est utile pour toutes les classes, que ce soit prêtre, même pour les voleurs au niveau des poisons, les chasseurs pour les aspects, vraiment toutes les classes en fait peuvent avoir besoin à un moment donné de cet add-on. Donc en fait Smart Buff il va surveiller quelle amélioration lancer à qui et à quel moment. Alors par exemple je suis un voleur, donc moi j'ai pas d'amélioration forcément à mettre au groupe, mais j'ai des améliorations à mettre sur moi, donc notamment mes poisons. Dès qu'il voit que vos armes n'ont pas de poison, il va vous afficher un message à l'écran et donc là en fait en pressant simplement une touche, il va automatiquement placer le poison qu'il faut sur votre arme, que ce soit en main gauche ou en main droite. Ça marche également pour les pierres à aiguiser, ça marche également pour la nourriture. Moi ça m'arrangerait beaucoup parce que de temps en temps j'ai de la nourriture sur moi et j'oublie que j'en ai. Voilà, moi ça m'arrive souvent et pour la nourriture, voilà. En fait c'est très simple aussi pour dire en fait quelle amélioration faut surveiller en fait. Quand vous rentrez dans la donne, vous voyez sur la droite en fait, donc c'est listé tout vos buffs, que ce soit nourriture, que ce soit donc pierre à aiguiser, ça peut être aussi donc les améliorations, les flasques, élixirs surtout. Donc il suffit simplement de cocher, ça veut dire que lui va surveiller, et ensuite de préciser si c'est une amélioration que vous lancez sur les autres, ben là vous pouvez dire sur quel type de classe vous pouvez la lancer. Donc là ça devient intéressant pour le paladin, ou admettons les mages. Les mages, ils ont l'intelligence des arcanes, et l'intelligence n'est pas forcément utile pour les voleurs et guerriers. Et dans ce cas-là, il suffit simplement de décocher la case voleur et guerrier, et là, il ignorera totalement ses classes, il ne lancera jamais sur ce type de classe. Vous avez aussi des listes d'exceptions, donc par exemple, vous pouvez préciser à la donne, pour telle personne, je veux lancer tel type d'amélioration. Et donc là, quand vous lancez donc via la donne, il va surveiller automatiquement son temps, pour savoir dans combien de temps il faut rafraîchir l'amélioration, et quand il faudra la rafraîchir, vous affichera un message. J'ai fait beaucoup de personnages secondaires, j'ai un peu testé toutes les classes et tout, et à chaque fois ce logiciel je l'avais, enfin ce stadon plutôt je l'avais. Ça a l'air quand même vachement pratique, parce que moi qui ai beaucoup de potions, d'élixirs, de bouffe, etc. dans mes sacs, j'en fais jamais le tour avant de partir, et ça m'aiderait bien d'ailleurs. Et une dernière fonctionnalité de Smart Buff, donc c'est la partie debuff, donc c'est pour soigner justement les malédictions, tout ce qui est sort d'affaiblissement. Donc en fait ça vous présente le groupe ou le raid sous la forme d'un gros rectangle, où chaque personnage c'est un petit rectangle. Et dès qu'une cible donc a un affaiblissement que vous pouvez soigner, ben, vous l'affichez soit en bleu soit en rouge. Et ça vous permet avec un clic gauche ou un clic droit de lancer le bon sort sur la bonne personne pour soigner cet affaiblissement. Comme je vous l'ai dit tout au long, c'est un très bon add-on pour toutes les classes, je vous le recommande vivement. Et tout de suite, on passe aux jeux vidéo. Amandine. Alors ce mois-ci, je vais vous parler de Resident Evil 5. C'est un bon jeu d'action. Par contre, ça ne fait pas peur du tout, c'est une grosse déception par rapport aux autres opus. Alors l'histoire du jeu, c'est Chris Redfield, qui est un personnage qui était déjà là dans le premier opus, qui a d'ailleurs pris des stéroïdes entre-temps, parce qu'il a doublé de volume, musculairement. Mais par contre, intellectuellement, c'est pas trop ça, parce qu'au cours de l'histoire, il manque un peu de charisme, il est un peu cucu, mais bon. Il se retrouve en Afrique, dans une vieille région paumée d'Afrique, où il y a encore des tribus assez primitives, et où s'est implantée apparemment une multinationale qui aurait créé un nouveau virus. On en a entendu parler parce qu'on a vu que des choses pas claires se passaient dans la région. Et il est envoyé là-bas avec une accompagnatrice de la région, Sheva. Et là, on se rend compte bien sûr que l'histoire se répète, comme dans les opus précédents. Mon Dieu, il y a des méchants qui ont répandu un virus, des zombies partout. Il va falloir encore leur tirer dessus, tout anéantir, on gagne à la fin, c'est merveilleux. La prise en main est très semblable à Resident Evil 4, l'histoire est assez téléphonée. Il paraît qu'il y a eu un changement de scénariste et ça se ressent tout de suite, c'est-à-dire que c'est à peu près la même chose que dans l'épisode précédent. Vous avez d'ailleurs à la fin les mêmes bonus, les armes illimitées, le mode mercenaire, les figurines, etc. Mais par contre, là où ça innove, c'est que c'est le premier épisode où votre partenaire est en permanence avec vous. Donc normalement il est joué par l'intelligence artificielle, il peut également être joué par un ami en ligne ou quelqu'un qui est à côté de vous. Alors dans ce cas-là, c'est très très sympa. Par contre, si vous jouez seul, vous démarrez en mode amateur, je vous conseille. L'intelligence artificielle fait à peu près tout à votre place. Elle ramasse, elle tue les ennemis que vous n'aviez même pas vus. Enfin, vous la suivez, en fait, elle vous prend la main. Par contre, dès que vous dépassez le mode normal, c'est un vrai boulet. On n'a jamais vu un vrai joueur jouer aussi mal, c'est affreux. Alors peu importe d'ailleurs que ce soit Sheva ou que ce soit Chris, si vous recommencez le jeu en changeant de partenaire, il est toujours aussi mauvais, l'intelligence artificielle est nulle. C'est-à-dire que, par exemple, si vous lui laissez un pistolet avec quelques munitions, en 5 minutes, il n'y a plus aucune munition. Si vous lui donnez un bazooka, elle s'arrange pour vous tirer dans le dos. Enfin, c'est très très sympa. C'est-à-dire que c'est un jeu auquel on joue quand on a les nerfs très solides, parce que sinon vous allez lancer votre manette à travers l'écran. Très bien. Bah, ça leur est bien tout ça. Tu dis que ça ne faisait pas trop peur, c'est ça, par rapport au précédent ? Non, ça fait pas... Personnellement, les premiers opus, j'étais vraiment terrifiée. Resident Evil 1, 2, 3, je courais me cacher dans la cuisine dès qu'il se passait quelque chose. Bon, le 4, j'ai commencé à m'habituer, mais alors là, le 5, j'ai attendu jusqu'à la fin le moment où j'allais sursauter. Et si ça me fait pas peur à moi, ça veut dire que ça fait vraiment peur à personne. Il y a toujours le système des portes qui s'ouvrent sur un fond noir ou pas ? Qui grincent sur un fond noir ? Non, mais ça existe plus vraiment depuis Resident Evil 4. D'accord. Non, c'est, en fait, c'est une histoire pour le chargement au départ, mais ils avaient réussi à transformer ça en truc vraiment effrayant. Tout à fait. Il y avait un suspense terrible, surtout dans Resident Evil 2, parce qu'à un moment, quand on ouvre une porte et qu'on s'attend forcément au truc de chargement, il y a des zombies qui passent à ce moment-là. Je sais pas si tu te souviens. Non, je me souviens plus, ouais. On s'attend en permanence en fait à ce que quand on ouvre une porte, on soit tranquille tant qu'on n'est pas dans la pièce. Et là, à ce moment-là, ils ont fait rentrer les zombies. Et j'ai eu peur, oh mon dieu. Mon père a couru vers moi en croyant que j'étais en train de faire un malaise. Pour te dire. Mais dans Resident Evil 5, on n'a jamais peur. En plus, c'est terriblement téléphoné. C'est pas crédible. Enfin, c'est vraiment, il faut y aller dans l'idée du jeu d'action, parce que comme jeu d'horreur, c'est raté. Resident Evil 5 se joue sur PS3, sur Xbox 360 et sur PC. Bon bah, je vais passer à mon petit jeu alors. Mm-hmm. Bon bah après Resident Evil 5, qui fait pas peur, moi si je vous parlais de World of Goo, c'est pas un jeu qui fait peur non plus, pas du tout. C'est plutôt en fait un jeu de style réflexion. Et donc vous avez des petites boules en fait, ce qu'ils appellent des goûts, G-O-O, ça s'écrit. Et en fait, ces goûts, il faut les faire traverser pour qu'ils arrivent jusqu'à l'aspirateur. Et l'aspirateur, en fait, quand on a collecté un certain nombre, ben, on passe le niveau. C'est un jeu qui est tout bête. Il n'y a pas forcément besoin de... Enfin, c'est pas, on va dire, on n'a pas une grande aventure ou quoi, en fait. Ça va surtout se jouer sur votre sens logique et votre sens physique. Comment bien gérer la pesanteur et tout ça. Et en fait, c'est très détendant, c'est très plaisant. Et on passe un bon petit moment, en fait, avec ces petits goûts, ces petites bulles toutes noires, en fait. Et, enfin, un peu toutes les couleurs. Bah alors, ça se joue principalement sur PC. Il y a également une version Wii qui a été développée. Alors, sur PC, le jeu, si vous l'achetez, donc ça s'achète en ligne pour 20$. Si par contre vous prenez la version Wii qui est un vrai package, donc c'est-à-dire une vraie boîte et tout, là on monte à 40€. Cherchez la différence, l'erreur plutôt. Bla bla bla bla bla bla bla, vous avez fini. Et bien voilà, on est arrivé à la fin de cette émission. Et bien, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Amandine, est-ce qu'on te revoit pour la prochaine émission ? Avec plaisir. Moi, je tenais à dédier cette émission à plein de gens. En fait, d'abord à JP, qu'on retrouvera dans le 5e épisode. Aussi aux Suisses, qui pourraient nous écouter. Faites-vous une saucisse de veau avec un bon verre de thé froid, Migros, en mémoire de moi, ou plutôt en hommage à votre ami Brock. Merci à Olibit pour son interview et pour l'illustration du 4e épisode. Et on attend vos commentaires avec grande impatience. Alors au mois prochain. Salut à tous. Salut à tous. Non, tu peux pas répéter ce que je dis, Ludo, c'est pas du jeu. Ah oui, c'est ce que je suis en train de me dire. À la prochaine. Voilà, merci Ludo. Salut. Parfois la spontanéité est spontanée quoi. Bref, vous m'avez compris. Non, mais c'est pas grave, on t'aime bien quand même. Vas-y. Bah, je te remercie, j'espère que je décevrai personne et que je vais pouvoir continuer longtemps à faire mes petits films. Y a pas de risque. Enfin que tu déçoives quelqu'un, que tu fasses tes petits films, je pense que si, y a quand même encore de... Enfin, peu importe, c'est très mauvais, on aurait dit Sarkozy. J'aime beaucoup voilà, que les paladins me font leur imposition des mains. Non, le mieux c'est fourreau de lumière. Oh putain, c'était où? Du calme, Ludo, du calme. Tu commences à parler comme ça. Grave. Bon. Attends, petite pause. Oula. Qu'est-ce qui t'arrive, Amandine? Je me suis étirée. Ouais, on ressent le bien-être, on sent que ça vous fait vraiment plaisir. Bah. Alors, pour le premier dragon donc, que je vais vous parler, ce sera Isandre. Ludo, c'est dont je vais vous parler, c'est pas que je vais vous parler. Exact, voilà. Tant pour moi. Donc le premier dragon que je... L'insolent, le petit insolent. C'est bon, Amandine ? Non, attends, parce que là je vais faire du bruit avec le sucre, mais j'ai bientôt fini. Ah, il y a du sucre ça ? Ah bah putain ! Non, vous entendrez rien, je pense. Oui, si, là, on entend des chocs, mais... Bah, là, c'est le sucre. Mais pourquoi tu les tapes comme ça? Je les tape pas. Je pose la boîte. Elle a pris la canne à sucre, là, elle est en train de la faire. C'est ça, ouais, machette, clac. Attention au tracteur derrière. Et y'a plus de cul. C'est tout pourri. Je n'ai pas le plus quoi. Le c'est pour dire. Le. Bon, très bien.